Moi, je m'appelle Josiane, j'ai 26 ans. J'écoute Actu Soli parce que ça me repose, parce que demain, je retourne au travail. Tout le monde écoute Actu Soli. Actu Soli sur Indestar. Vamos. Bonsoir. Bonsoir. Elle a eu peur que je parle pas. Mais au moins vous êtes motivés, parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes non motivées qui nous écoutent aussi. Josiane, j'ai 26 ans. Émotive, oh, c'est bon, la vie est trop courte. Tu peux me laisser faire mon début? Pardon, ok. Ah, merci. Non, mais bonsoir à tous, vous écoutez Actu Solide sur Indestar de 21h à 23h à peu près. Voilà, merci. Oublie pas le à peu près, à chaque fois tu l'oublies. T'es relou. J'ai rien dit. Non mais c'est bon, on recommence toutes les semaines, là j'en peux plus là. Bon, ce soir c'est une grande émission. C'est un grand soir. Si, parce que ce soir et pour la première fois, nous avons Emiliano avec nous. Bonsoir. On applaudit s'il vous plaît les nouveaux arrivants. Histoire de mettre un petit peu de pression. Merci. Comment tu te sens, Emiliano, ce soir? Bah ça va, écoute. Oh bah écoute, là, hey, je crois qu'Emiliano c'est un des mecs les plus détendus du monde. T'es détendu du slip, love, hein. Tu vois. C'est ça, peace and love. Peace and love. On en a parlé, tiens, lundi de, du mouvement hippie, okay. Peace and love, cool. Faites l'amour, pas la guerre, tout ça. T'as souri? Hein? Ok. Il y a des éléments techniques qui se baladent dans le studio. Amel, ce soir, c'est un grand soir aussi parce qu'on a eu un week-end différent des autres soirs et parce que cette semaine on fait gagner des places pour Segway. Du quoi? Segway. Segway. Non, ah, Segway. Non, Segway c'est autre chose. N'allez pas confondre. Okay. Ah, mais c'est quoi du Segway? C'est un peu comme une trottinette. C'est un overboard avec des avec un manche, quoi. Avec un manche. Mmh. Et un guidon. Un guidon, ouais. Donc c'est une trottinette hoverboard. Mais non, parce qu'en fait t'as tes deux pieds. Oui, c'est électrique, quoi. T'as tes deux pieds en fait qui sont au même niveau. Au même niveau, ouais. Et en fait tu contrôles la vitesse et tu contrôles aussi la. Mais là en te penchant plus ou moins et tu dois avoir une poignée d'accélération, j'imagine. Sur Oui, mais franchement n'ayez pas peur parce que moi en ayant un hoverboard qui a marché 24 heures. T'as pas eu le temps d'apprendre à t'en servir, si, ton hoverboard. Franchement, au premier coup j'y suis arrivée. Ok. Ah ouais. Ouais. Et pourtant normalement il faut un temps d'habitude. Hein. Bah non. Mais heureusement, parce que vu qu'il m'a duré 24 heures, j'ai pu en profiter un peu. Oui, voilà, ça a profité un max. Oui, donc en fait, c'était de la merde. J'ai acheté la mauvaise série, tu vois, pour mes 18 ans, j'ai dit je veux un overboard. Pourquoi tu ne l'as pas fait rembourser? C'est trop casse-couille. Moi, je suis un peu une flemmarde de la vie. Donc, genre, tu te dis, oh, bah tant pis, ça marche plus. Un truc à 200 balles, ça marche pas. Oui, non. C'est la meuf qui a du fric, quoi. Grave. Non, alors pas du tout, parce qu'on me l'a offert pour mes 18 ans et j'avais cassé les couilles à tout le monde pour me l'avoir, mais en fait. Ah ouais, tu t'es pas dit je vais aller. Bon, j'ai envie d'en faire, je vais me le faire réparer, quoi. D'accord, chacun son truc. Bon, t'as déjà eu une expérience d'overboard ou de Segway, Emiliano? Du tout. Ça te plairait? Ouais. Ok, et eh ben inscris-toi sur la page Facebook. Non, on vous pose une question en fait sur la page Facebook, c'est-à-dire quel est l'autre nom du Segway? Et donc on va pas donner la réponse. J'étais à deux doigts de le dire quand même. C'est vrai, ça commence par. Un giro et ça finit par pod. Ah, comme un iPod. Voilà. Ah, on vous l'a pas dit. On dit rien, nous. Hein. Donc, vous notez la réponse. Et si vous êtes tiré au sort d'ici la fin de la semaine, eh ben, on vous contacte déjà dans un premier temps. Donc, répondez au MP. Et en plus de OMP, ça. Au MP, au message privé, au private message. Et ensuite, on vous appellera en direct. Donc, il faudra répondre et redire la réponse. Et si vous avez redit la réponse, vous allez chercher vos places. Et vous faites la visite d'Amboise en Segway. C'est cool. Voilà. Oui, bah oui, faut moi qui aime pas marcher, tu vois. Bah pourtant, va falloir marcher. Hein. Pourquoi? Ça fait du bien. Non. Oui, mais bon, je sais que ça fait du bien pour la santé, tout ça. Mais franchement, visiter la ville en Segway, pour c'est moi, pas ça mal. Me le fait. Ouais, mais c'est un truc de flemmard. En plus, mais... en bois, c'est quand même assez sympathique. Ah bah trop bien, c'est la ville, c'est une ville royale, madame. Tu sais qu'à l'époque, les rois se baladaient en Segway dans Amboise. Oui. Au moins ça. Ouais. Tu les voyais avec leurs trottinettes électriques et tout. Bien sûr. Bien sûr, ouais, on n'en dit pas assez sur l'histoire, je trouve. Ouais. nous, on va recréer l'histoire. Et on refait sinon, l'histoire. Vite fait, un tour de table, vite fait, vous avez passé un bon week-end. Est-ce que vous voulez que je le dise? Parce que moi, en fait, moi j'étais à l'étang. Ah, bah vas-y, je sens que t'as envie de parler de ton week-end, quoi. J'étais à l'étang tout le week-end. Ouais. Donc, tu vois, 37 degrés dehors. Oui. 30 degrés dans l'eau. Mm-hmm. Nickel. Et lundi, il y a eu de l'orage. Et ça a fait griller ma télé. C'est vrai? Oui. Ah mince. Une télé à 600 balles qu'on est venu d'acheter. Oh, ça va. Et ben moi, j'avais bossé samedi après-midi, ça a été annulé. Parce ah oui, elle est toute neuve. J'avais acheté un meuble télé en plus pour ma télé. Tu vas quand même la remplacer. Oui, cette fois-ci, oui, je vais aller chercher la garantie parce que mon chiot l'a bouffé, mais je vais aller chercher une garantie. J'ai vu avec le magasin et on peut récupérer notre garantie. D'accord. Appelez-nous ce soir si vous voulez intervenir. 09 70 407 306. On aura le son des migraines dans c'est un moi instant. Qui dis. Et avant, on part dans la jungle ce week-end. Soir. Non, s'en fout. T'avais pas compris. Non mais laisse-lui dire son week-end, ça se trouve elle a dormi, elle a mangé et voilà. Vas-y, qu'est-ce que et t'as fait ce samedi après-midi, je devais travailler. Et en fait t'as pas travaillé, parce wow. qu'il faisait trop chaud. Oui. Et donc du coup j'ai été faire les courses le matin. D'accord. Et je suis restée chez moi tout le week-end. Et sa bien... cliente lui a donné 100 balles pour ses vacances. C'est vrai. C'est vrai, c'est on mignon. On se sent pas. Hein. C'est mignon. J'avoue que c'est mignon. Ouais. C'est mignon. Enfin, et genre, moi, c'était gênant aussi, elle me tend une petite enveloppe, j'ai fait... Tu billet de 20, c'est sympa. C'est pour les étrennes. Au final, je regagne 100 balles. Ah. Bon, bah ça va, je vais prendre. C'est tes prochaines vacances au mois de décembre, si vous voulez. Dis-lui quand est-ce que c'est tes vacances. J'ai mes vacances tous les mois. C'est la prime, une prime en plus. Non, mais ça serait bien. Mais par contre, nous, on part pas en vacances, là. Non, là, on part plus loin. Dans la jungle. Bon, alors ce soir, ça va un peu me coûter une blinde, loin. J'avoue. Mais au moins, je me suis dit que je vais être débarrassé de vous, peut-être définitivement. Parce que vous allez au cœur de l'Amazonie dans la jungle. In the jungle. Il fait chaud là-dedans. Il fait chaud et humide. Vous allez chez les Banzomates. Oh, j'ai dit. Les Banzomates, c'est un peuple qui vit depuis environ moins 365 avant Jean-Charles. C'était leur messie là-bas, Jean-Charles. C'est un mec un peu guindé qui apparemment a ressuscité. Enfin bref. Il les protège. Enfin, il est protégé parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Le peuple est en voie de disparition. À cause d'une mystérieuse créature qui les tue un par un. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2010, ils étaient environ 630. Aujourd'hui, ils sont que 30. Ah oui, ok. C'est juste ça réduit, 600 en moins, quoi. Ouais, ça en fait, dans 3 jours, il n'y a plus de peuple. Il est grand temps que vous alliez là-bas et que vous résolviez ce truc. Donc, votre mission, évidemment, ça va être d'identifier la créature qui fait que ça les tue et chercher un moyen de pérenniser le peuple Banzomate. Est-ce que ça vous va? Bah, je suis grave. Par contre, après qu'on parte, imaginons qu'on arrive à résoudre cette enquête. Bah, j'espère bien. Il va falloir qu'ils niquent toute la vie pour repeupler, quoi. Ouais. Mais j'avoue que je vous ai proposé. ouais. Non, ok. Je, bon. Ils m'ont dit on verra sur place, faut tester la marchandise. Vous avez dans 5 minutes un avion qui part, un avion cargo pour le Brésil. Yes. Dans la forêt amazonienne. Je vous souhaite bonne chance, les amis. Merci. Voilà. Donc ça sera tout à l'heure. Des énigmes à résoudre, une enquête à résoudre. À résoudre aussi. Ça dit pas résolve. Bah, on résolve des énigmes. Oui, on résout une enquête. Okay. Ouais, enfin bref. On bah, s'en c'est fout. C'est du français. On est sur Actu Solide, on peut se permettre. Passons au chant. Voilà. Le chant des migraines. Le chant des migraines. Et un aspirine. Un. C'est à moi. Qu'est-ce que le chant des migraines, ma petite Anaïs? Alors, je vais t'allais vous dire connerie, non donner un mot. Oui. Et vous allez devoir me chanter une chanson qui contient ce mot-ci ou le titre. Mais alors surtout, Emiliano, ne te fais pas avoir. C'est-à-dire que dès que tu as, elle donne le mot, dès que tu as la chanson en tête, tu la chantes, tu la gueules. Il n'y a pas mot, de « Ah, moi, je sais ». Le mot peut être contenu dans le titre de la chanson, oui, ou dans la chanson en elle-même. D'accord. Théo, mais est-ce que tu vas réussir à me battre ou pas cette fois-ci? Je te bats toujours. Et genre, vous savez tous qui c'est Kinvé. Ah non, non, tu vas nous appâter. Eh bah, ben, je vous ai fait une spéciale Céline Dion. Ah. Bon. C'était pas drôle en plus. Sur Céline Dion, j'avoue que je peux peut-être me défendre plus que sur du Kinvé. De toute façon, t'as pas le choix, c'est spécial Céline Dion. Oui. Céline Dion, ma vie, on va écouter du Céline Dion. Ouais, grave. Non, c'est ton cœur. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Ok, le premier mot est encore. Pour que tu m'aimes encore. Ah, c'était celle-là. Ah, oui. Merde. Pour que tu m'aimes encore. Ah non, j'y crois pas, je l'avais, j'ai chanté avant. Non, ça va, non. Oh, c'est trop tard, le truc de... Je suis sûr qu'il y allait avoir ce titre-là. Non. Et pourtant, on a mis du temps. Hein. C'est vrai, j'étais choquée, genre Céline Dion, tout le monde connaît oui. cette chanson. Mais oui, bah en plus, je l'ai chanté. J'irai chercher ton cœur, si tu l'emportes ailleurs, même si dans les flammes... Dans ce danse des c'est après. Dans les froids, dans les flammes. Ah, là, c'est ça. Je devrais être indécent. Pour que tu m'aimes encore. Oui, ah, oui. Entrez des louanges. Entrez dans ma gage. Non, non, non, mais encore. Tu m'aimes encore. Oui, okay. Oui, je t'aime. Oui, deuxième mot, ira. J'irai où tu iras. Mon pays sera toi. Non, mais on l'a dit. J'irai où tu iras. Qu'importe la place, qu'importe l'endroit. on l'a dit presque en même temps. J'aime bien celle-là, mais elle est très compliquée à chanter. Du coup, c'est qui? Eh ben, je l'ai chantée l'autre fois au karaoké. Bah, elle est compliquée. C'est vrai qu'elle est pas simple. C'est qui? Bah, c'est pour moi, c'est Théo. Hein. Ouais, j'avais un demi-seconde. Ouais, non, mais vraiment un micro demi-seconde. Ok. Troisième. Oui. Aimer. J'allais dire, j'allais chanter une chanson, mais c'était pas ouais, celle-là. C'est pas aimer jusqu'à l'impossible. Bah non, ouais. C'est possible. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau, c'est pas ça non plus. Ah, attends, putain. Aimer, mais y'a d'autres, t'as pas de aimer. En Céline Dion. En Céline Dion, attention. Aimer. Ah, je l'ai pas, hein. Attends, mais ça me sérieux? Ouais. S'il suffisait qu'on voilà. s'aime. S'il suffisait d'aimer. Je ferais de ce monde un rêve, une éternité. C'est vrai qu'il y a une chanson de Céline Dion avec. Bah alors, oui. C'est connu. Oui, bah, bah ouais, oui, bah écoute, oui. Tu ne la connais pas. Ah, ah, ah ouais. Ah, ah non. Tristesse. Ah cool. Quatrième. Oui. Soir. Ah si, oui, encore. C'est un juste... soir. C'est quoi? C'est juste une heure. Juste une larme de bonheur. Ah, c'est ça. J'ai pas du tout le rythme, mais c'est ça. Je l'avais pas. C'est quoi encore là? Encore un soir. C'est encore un soir le encore titre? Encore un soir. Ouais. Encore un soir. Encore une heure. Ouais. Encore une larme de bonheur. J'ai pas l'impression que c'est la même chanson. Je crois que celle-ci, elle l'a fait quand son mari est décédé, je crois. René. Dur. La taupe. C'est René, ouais. René. La taupe. Mignon, gros. La taupe, on est plus au taquet sur René la taupe que sur Céline Dion. Cinquième. Ouais. Cinquième, tu peux égaliser. Hein. Tu peux égaliser avec moi. Mais ouais, tu peux encore gagner. Vent. Sous le vent. Si tu crois que j'ai eu tort, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur. Un peu de repos. Comment je t'ai niqué la gueule. Ouais, t'es pareil. Non. LTL d'abord. Oui, 3, ouais. 1. Oui, bah mais oui. Un milliseconde. Comme moi tout à l'heure, bim, dans ton cul, 3, 1. Aïe, ça fait mal. Ce fut tout pour moi. Ouais. Ça y est, elle a fini son. Vas-y, casse-toi, je t'en prie. La prochaine fois, fais une spéciale Anna Free, je la défonce. Ah non, mais Anna Free, je connais pas. Eh bah, ben, je la défonce dans ce cas. On le dira pas. Veut juste la défoncer, mais pas les chansons, lui, il s'en fout, tu vois. On se calme quand même, je suis pas un bout de viande. On a pas les mêmes priorités, tu vois. Vous me parlez comme si on allait faire un barbecue, les gars. Oui, bah c'est ça, une petite saucisse. Bah... Ça, c'est pour moi. Je suis de Strasbourg, j'espère. Parce que... De Strasbourg, exactement. Bon, mis à part ces enfantillages. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on écoute? C'est toi qui t'entends. Juste après, question point concon, je reviens avec Henri. Ah oui. Oh, tout à fait, madame Amélie. Bah oui, Henri est déjà là. Henri est déjà au taquet. Mais juste avant, Henri, on écoute Gifla. Avec Love the Way You Lie, qui est une reprise de... Rihanna et Eminem. Eminem. Ça, c'est bon, ça. Sur Indestar, bien sûr. Ah, merci. Il paraît qu'écouter Actu Solide renforce vos défenses naturelles. C'est une grosse arnaque, mais ça fait vendre. Indestar. Le feu, ça brûle. Tu vois, ça, je connais. Ça mouille tous les oiseaux. Après, je connais pas. Après, ah. Vol dans le ciel, c'est pas non plus des paroles. Ouais, ah. Ça me rappelle quelque chose, ça? Oh, ça me dit un truc. Ouais, c'est le Hit Machine, Charlie et Lulu, dans les années 90. On a tous vécu cette période. Non, enfin, moi, je suis non, y'a que moi, j'ai l'impression. Ah oui, non, mais c'est. En fait, c'est une chanson parodique des boys bands qu'il y avait à l'époque. Il y avait les To Be Free, il y en avait 30 000. Et du coup, Charlie et Lulu se sont dit hey, nous aussi on va faire un boys band. Et ils ont lancé cette chanson. C'est marrant, hein. C'est drôle. Mais c'est vrai, tu nous l'avais déjà mise cette chanson. Oui, c'est possible. Mais en fait, après Gnolo Music, je sais pas à quoi ça sert qu'on dise qu'on est sur Indestar. Avec tout celui, clairement, je crois que tout le monde le sait, quoi. Ah bah, vous savez, évidemment. Feu, ça brûle. Hello, ça mouille tous les oiseaux dans le ciel. Voilà, bon, vous avez compris l'idée, quoi. Ah, ça y est. Voilà. Alors, ce okay. soir. À vous faire rappeler. De quoi? Place de Segway ce soir. Ah, Segway. J'arriverai pas à le dire. Alors, à tout moment, ils peuvent intervenir. Ces places, ça peut être ce soir, ça peut être demain soir, ça peut être après-demain. Vous vous inscrivez d'abord sur le Facebook, vous répondez quel est l'autre nom du Segway. Et si vous êtes tiré au sort, on vous appelle. Voilà. C'est ça ? C'était c'est ce ça. Qu'elle voulait dire à peu près. Alors, voilà, mais tu me laisses pas parler. Non, en vas-y, même temps. Vas-y, refais-le. Mais lui, non, non, imagine, je suis pas là. Non, non, mais c'est mort, tu viens de le dire. Je suis pas un peu. Non, mais tu vas le dire mieux que moi. Non, mais on va passer sur c'est faux. C'est faux. Elle, c'est elle qui l'a dit. Hein. Ouais, vous êtes vraiment méchant. Question pour un concon, c'est un jeu que j'adore. Parce qu'il y a des choses à gagner. On fait. Non, tu sais pas ce qu'il y a à gagner, ce qu'elle fait non, gagner, mademoiselle Amélie. C'est Henri qui le dit. Non, d'accord, ok. C'est bon, parti. Eh ben, c'est parti. Donc. Mesdames, messieurs, elle est drôle, elle est sympa, elle vous enjaille chaque semaine sur Indestar et elle est enrobée de questions à vous poser. Amel pour. Question pour un concon. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans Question pour un concon. Nous avons de nouveaux candidats, Henri, ce soir, de nouvelles questions. Et bonjour Henri. Bonsoir mademoiselle Amélie. Oui, bonsoir. Que vous êtes ravissante encore ce soir, merci, une fois de plus. Merci. Nous avons effectivement ce soir de nouveaux candidats. Ils sont bien beaux, eux aussi, mais beaucoup moins que vous, évidemment. Par contre, un nouveau lot à gagner ce soir, puisque nous faisons gagner le stylo Indestar, celui qui n'écrit plus, par contre. Hein, oui, parce précise. Que oui, il faut quand même qu'il nous serve avant. Et évidemment. Ben, il y aura même nos traces de un peu de. C'est ça qui en fait sa valeur. Vous pourrez le revendre sur les sites d'achat en ligne, quelque eBay, part, par exemple, très cher, oui, à la vente aux enchères, tout à fait. Je pense qu'à 300-400 euros, ça devrait se vendre. Ah bah j'imagine que l'on vaut nettement plus. Enfin, que vous valez nettement plus, pardon. Mais oui, mais moi je vaux plus, mais après un simple stylo, ça vend quoi. Ce soir, comme candidat, nous avons Laura. Bonsoir. Tu as 34 ans, c'est ça ? Exactement, bientôt 35. Ah, c'est nickel. Et... Dans 9 mois, exactement. L'année prochaine. Et tous les ans, tu interviens dans des étangs. Quand les gens font des soirées, car tu es attireuse de moustiques professionnelles. Exactement, j'ai énormément de moustiques qui s'accouplent sur moi, qui ce me sucent le sang. Ce qui explique vos plaques rouges que vous avez sur le corps. Un peu, oui. Nous avons Pierre avec nous au téléphone, je crois. Ah, au téléphone, au standard. Pierre qui nous a appelé et qui a réservé sa place sur Minitel. On rappelle le 3615 code question pour un concon. Simplement, avec deux cas. Est-ce qu'il est avec nous ? Comment s'appelle-t-il déjà ? Pierre. Pierre. Pierre, je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais vous êtes bien en ligne. Et il a 62 ans et il est strip-teaser. Et il mais espère bientôt avoir sa retraite avant ses 80 ans, si on c'est possible. On comprend. Et ses clients aussi. Je pense. Et nous avons Vincent au fond. Vincent, il a 48 ans et il possède un élevage d'autruches pour garder sa ferme. Bonsoir Vincent. Salut, salut. C'est plus intéressant apparemment, vous savez, pour oublier les... Anaïs. Pour les chiens de garde. Oui. Et bah, il lance ses autruches. C'est ça. Tu vois le truc ? Ouais, c'est d'accord, pas mal. Très bien. Oui, ça peut être pas mal. C'est un bien beau métier. On vous félicite, Vincent. Vous avez encore une belle carrière devant vous. Bah, j'espère bien. Bah, et si la prochaine fois, vous pourrez nous ramener un œuf d'autruche ? Ah, un œuf d'autruche ? Ok. Arrête, c'est énorme. Il y a Henri. On aura de quoi le partager à deux. Bien, oui. Bon, je vous laisserai la majorité de l'œuf, mademoiselle Amélie. Parce que non, pas savez... trop, parce qu'après, quand tu pètes après un œuf, c'est pas ouf. D'accord, très bien. Voilà. Je m'en souviens. Et généralement, quand tu pètes, tu trouves ton slip. Merci. Petite trousseau, et on va passer à la première manche du coup. Le principe est simple, trois questions, trois propositions de réponses. À vous de me l'écrire sur l'ardoise. Et en fait, j'ai pas écrit, donc je me rappelle plus. Mais voilà. Mais vous jouez pour question pour un concon. C'est bien, mais vous connaissez votre jeu, mademoiselle. Oui, mais oui, mais quand je l'écris, tu vois, j'ai une phrase toute faite et voilà que là j'ai dit. Est-ce que vous pouvez me rappeler par contre le nom des candidats ? Nous avons Pierre. Nous avons Pierre. Nous avons Vincent et nous avons Laura. Vincent, Tim. Et Laura, ok, très bien. Pourquoi 20 centimes ? Ah, ok, j'ai compris. Attention, question numéro 1. Oui. Comment peut-on estimer l'âge d'un poisson ? Petit A, à partir de sa queue. Petit B, à partir de ses écailles. Ou petit C, à partir de ses intestins ? Après, c'est chaud de lui couper l'intestin. Ah, il est mort, il avait 2 ans. Et nous avons du B pour Laura, nous avons du A pour Vincent. Vincent. Et que dit Pierre ? Moi je dis C. C pour Pierre. Ah bah c'est... quelqu'un a la bonne réponse. Et vous aurez dit quoi, Henri ? Eh bien moi j'aurais dit les écailles, c'était la réponse B je crois. Et bah c'est bien ça, c'est bien la réponse B. Donc nous avons Laura seule qui... Laura avait la bonne réponse. Bravo Laura. Vous êtes experte de poisson, vous êtes la seule femelle de l'émission et vous êtes également. Enfin, la seule candidate, évidemment. Seule femelle. Et vous êtes également. Je trouve que vous êtes un peu trop familier, on ne se connaît pas. Ah, mais ça ne m'empêche pas de vous parler gentiment. Deuxième question. Qu'est-ce que la dermatophagie ? Petit A, se manger la peau. Petit B, cracher sans arrêt. Ou petit C, des saignements excessifs. Dites la réponse aussi, Henri, pendant que j'y suis. Hein. Non, non, je vais laisser nos candidats répondre. Et on va demander à notre candidat par téléphone, Pierre. Qu'avais-tu répondu, Pierre? Je dis B. Mais non. Vincent, qu'est-ce que vous dites, Vincent? Vincent, vous dites... Ah, Vincent a dit A, mais son stylo n'écrit pas. Pas de budget. Et vous, Laura? Et bien sûr, Henri, c'était là. Et bien, c'était là. Ah, la... Derme veut dire peau. Hein, évidemment. C'est pour ça qu'on dit derme et puis derme. Exactement. Merci. Mais pas de Pierre, non. Alors... Question suivante. Pour l'instant, nous en sommes à 2 points pour Laura et 1 point pour Vincent, alors que Pierre... Pierre... T'es dans la merde. Oui, c'est pas terrible. Hein. Et bien sûr, la question numéro 3, qui peut changer des choses aussi, ou pas. Du tout au tout, ou pas. Alors, le cougar. Non, pas la cougar, on n'appelle pas Catherine, on appelle un autre truc. C'est la... C'est, merde, je me suis emmêlée dans mon truc. C'est un animal. Et de la même famille que... Petit A, les oiseaux. Petit B, les singes. Petit C, les chats. Le cougar. Le cougar. Ouais. Je pense qu'on a compris. Alors on va demander peut-être à Vincent. Vincent, vous avez mis la réponse C. Pierre, vous aviez mis C. C aussi pour Pierre. Et enfin Laura, vous avez mis C. Et vous, quelle était la bonne réponse? Je me rappelle plus des réponses possibles. Bah c'est la C. C'était la C, évidemment. C'était le chat. C'était le chat. Donc tout le monde a une bonne réponse. Oiseau, qui malheureusement ne fait pas les affaires de Pierre, malgré que vous ayez cette bonne réponse, puisque Laura, vous avez au total 3 points, Vincent 2 points et Pierre seulement un petit point. Vous rentrez donc brocouille à la maison, mon petit Pierre. Bah ça vous fait ni chaud ni froid, hein, on dirait que... Ça va pas être chauffé au soleil. D'accord, très bien. Eh bien, Pierre, nous vous souhaitons une agréable soirée, hein, et à bientôt chez nous, bien entendu. Ciao, ciao. Deuxième manche. Oui. Alors cette fois-ci, je vais vous poser 3 questions, mais sans proposition de réponse. Henri va vous donner de quoi buzzer, et ce sera le plus vite qui gagnera, tout simplement. Et vous jouez dans question pour un concon. Vous voulez dire quoi, Henri? Alors, j'allais intervenir tout simplement sur les buzzers. Alors, Vincent, on sent que vous êtes un petit peu, comment dire, un mal alpha. Hein. Vous avez du coffre. Donc, Vincent, vous allez, avant de donner la réponse, faire... Très bien. Et on attend la fin de la réponse, bien sûr, avant de me donner... Ah oui, évidemment, on attend la question, vous faites... Oui. Et vous prenez la main. Quant à vous, ma petite Laura, je vous sens plus féminine, quelque part. Je sais pas, ouais, c'est comme ça, une intuition. Donc, Laura, vous avez... Avant de pouvoir répondre... C'est magnifique, Henri, de t'entendre faire ces bruitages. Merci, mademoiselle Amélie. Bah, vous m'entendez souvent faire ce genre de bruitage. Il y a un peu trop de... Merci. De faillot ici. Attention, première question. Que mangent principalement les pandas géants? Non, c'était pas vraiment ça. Allez-y, Laura. Des bambous. Des bambous. C'était la bonne réponse? Oui, c'était la bonne réponse. C'était la bonne réponse. Attention, Vincent, il ne faut pas vous laisser distancer. J'ai hésité avec le koala, mais koala, c'est l'eucalyptus. Merci. Non, mais vous avez... Pas si concon que ça, la cocotte. Oui, vous avez de la culture. Hein. Question numéro 2. Comment s'appelle le réseau ferroviaire souterrain dans Paris? Le métropolitain, non? Oh, c'est très oui, bien, c'est la bonne réponse. C'était quoi? Le métropolitain, évidemment. Même moi, je le savais pas. Mais le métro? T'as jamais pris le métro? Le métro, si, mais politain. Bah, parce que c'est le nom, le nom complet. C'est comme la météo, c'est la météorologie. Ah, j'ai la métro, la télé, c'est la télévision. J'avoue que moi aussi j'ai bugué en mode. Ouais, ça doit être ça. Voilà. Sans toi qu'elles ne sont pas parisiennes, hein. Attention. Un point chacun, tout va se jouer sur cette question, quelque part, mademoiselle Amélie. C'est ça. Oui. Attention, question numéro 3. Hakuna Matata est une chanson de quel dessin animé? Trop tard. C'est vrai qu'il y avait un petit temps d'avance, je pense, pour notre... Le Roi Lion. Féminine. Oui, c'est ça. Bah oui, le Roi Lion, bien c'est sûr. C'est la bonne Hakuna réponse. Matata. C'est vrai que ça s'est joué pas loin, malheureusement, Vincent. Ouais. Oh là là, vous faites comme Francky, vous rentrez à la maison avec le Zizi. À l'air. Ah non, je vais japper mes autruches. Oui, vous avez des autruches. Ouais. Bah oui, elle va être d'Autriche, je te l'ai dit tout à l'heure. Oui, non, mais vous avez. Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, Vincent. Eh bien, rentrez bien avec vos autruches, vous rentrez brocouille sans rien, mais avec le plaisir d'avoir joué avec toute la question pour un concon. C'est quand même pas rien, ça, quelque part. Et quant à nous, Laurent, on passe à la troisième manche. Bien sûr. Alors, le principe est simple, je vais te poser une charade et à toi de deviner le mot qui se cache derrière. Et pour cela, tu auras 30 secondes. Et vous jouez bien sûr pour question pour un concon. C'était parfaitement timé ça, mademoiselle Amélie. Mais en fait, c'est que j'ai laissé un temps d'absence. Je sais pas si quelqu'un vous l'avait remarqué, non, mais pas du trop. Tout. Non, ça va. Attention, concentrez-vous bien, Laura. Secondes. C'est à vous pour en gagner. Gagner quoi déjà? Ah oui, le stylo qui ne marche je pas. Un magnifique stylo Indestar qui ne fonctionne pas malheureusement, mais qui est dédicacé par nous-mêmes. Et attention, vous avez 30 secondes. Mon premier ouvre les portes. Mon deuxième est un liquide vital. Mon troisième garde les troupeaux. Mon tout est une grande personne historique. Cléo chien? Cléopâtre! Vous l'avez? La clé au chien, Timon. Ah, c'est après que je me suis rendu compte que voilà. Oui, quoi. Oui, oui. Ah, putain, elle m'a donné chose de con. La clé au chien. Alors il faut avant de répondre, mais ouais, mais avoir une certaine logique quand même. Hein. Oui, vraiment, oui, vous avez trouvé vous Henri. Bien sûr, je l'avais. C'était quoi la troisième phrase? Le quoi? La clé au. Mon troisième garde les troupeaux. Pâtre. Pâtre. Le Patre. Chien. Patre. C'est la personne. Bah, qui... du coup, chien. Chien. Hein? Non. C'est pour ça que j'ai dit chien, Cléo. Est-ce chien. Est-ce que vous pouvez enlever ce chronomètre parce qu'il est un peu. Mais il n'y a plus de chronomètre. Non, c'est le chronomètre. On continue. Clac, clac, clac, clac. Il y a encore 30 secondes. Bah, non, il est fini depuis longtemps. C'est le bed. Voilà, ça m'a stressé. Donc, bravo Laura, vous repartez avec un magnifique stylo Indestar usagé, bien sûr. Exactement. Et je compte parce le qu'on revendre. Peut pas tout avoir, et vous pouvez le revendre si bien vous en fera. Ça ne veut absolument rien dire, mais c'est pas grave parce que dans Question pour un concours, on invente des mots, on invente des candidats et on invente des réponses. Allez, très bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, mademoiselle Amélie. Comme tous les mercredis, comme à la semaine prochaine, Henri, j'ai avec déjà de nouveaux candidats, de nouveaux concours, de nouvelles questions dans Question pour un concours. Et n'oubliez pas de vous inscrire par Minitel d'ici là. Ciao. 36-15, bisous. Bisous. 36-15, bisous. T'imagines, Henri, on va recevoir des messages en mode bisous. Ah, c'était un candidat, du coup. Comme vous écoutez là maintenant, c'est Giedre. Giedre. C'est toujours Giedre. Hein. Et on vous fait des grosses papouilles. Et juste après le recto verso, on retourne dans la jungle en Amazonie. Actu solide, le défouloir d'Indestar, c'est ça. Avant, c'était l'été. Et maintenant, c'est l'hiver. Et l'hiver, c'est Noël. Et Noël. Solite tous les mercredis soirs dès 21h sur Indestar. C'est bien parce que c'est des jingles pile poil dans l'actu. Non mais surtout la mini Mélie est insupportable. Ah la mini Mélie on l'aime bien mais à petite dose. C'est comme les gamins en règle générale d'ailleurs. Ça dépend lesquels. Non vraiment tous. Hein. J'ai du mal avec l'ensemble des gamins mais avec certains en particulier ouais. Non ça dépend. En vrai quand je connais bien les enfants ça va mais quand je les connais pas je les fuis comme de la peste. Ok. Bah oui, quand tu les connais, après ça va. Bah ça dépend. Hein. Bah, il y en a plus tu les connais, plus moins t'as envie de les voir. Plus moins t'as envie de ouais, les voir. Ouais, plus moins t'as envie de les voir. On est sur du français ce soir. Ouais, non mais t'as compris le principe quoi. Ça change pas plus de d'habitude. Ouais, on est d'accord. Par contre, ce qui change de l'habitude, c'est qu'autant la semaine dernière vous étiez tranquillement aux États-Unis à Saint-Louis, tout allait bien, à part qu'il y avait une tornade, mais bon. Oui, mais ça va encore avec ce qui nous attend, franchement, c'était mignon. Ouais, alors que là vous et êtes nous dans avons réussi à sauver la série. C'est vrai, la série Superstore que vous pouvez retrouver sur Netflix, et grâce à vous, quelque part, il y a eu 6 saisons. Parce que là, on était arrivé à la saison 3, fin de saison 2. Il y a eu 6 saisons. Maintenant, 6 saisons. Hein. Grâce à vous, il y a pu avoir une suite. Bon. Cette fois-ci, c'est pas la même parce que vous allez dans la jungle et c'est pas une série que vous allez sauver, c'est un peuple carrément qui pas disparaît d'année en année. Il y a une créature, alors on ne sait pas trop, qui fait en sorte que notre peuple disparaît. Donc il va falloir l'identifier cette créature et puis trouver un moyen de pouvoir, je sais pas, l'arrêter, la tuer, de faire quelque chose. Ah ouais, carrément. Ah bah je sais pas, vous me faites ce que vous voulez, mais vous me l'éradiquez quoi. Ah oui, c'est horrible, moi je pense que je lui donne un millier à bouffer pour la distraire et hop. Peut-être, mais attends, sachant qu'il en a déjà bouffé, je sais pas, peut-être 10 000. Hein. Ça lui fera 10 repas. Ouais, bah. Ah, c'est vrai qu'une bonne petite amelle avec les kilos supplémentaires là. Mais allez, mais ça va reculer vraiment. Bon, allez, vous retournez dans la jungle, les amis. En plus. Et faites attention à vous quand même parce que j'avoue, je tiens à vous quand même. Oh, ouais, bah allez, on y va. Ouais, j'en ai un à foutre. Ok, donc si j'ai bien compris, on n'a plus de réseau, rien à boire, on connaît personne, et si ça se trouve, on va se faire bouffer par une créature qu'on ne connaît même pas. On ne sait même pas à quoi elle ressemble. Franchement, super la mission, franchement, Théo, on va le niquer. Bah, au moins, dis-toi que la bonne chose, c'est qu'on est bien accueillis. Regarde, en plus, il y a une table et il y a un petit mot avec un petit verre de jus de citron. D'ailleurs, tu peux me dire ce qui est marqué? Lu. Ou lutte, si tu dis le thé. C'est tout. On peut dire que c'est quand même un message assez bref là. Mais bon, au moins, ils sont pour ça à nous. C'est sympa, c'est mignon. Ouais. Bon, t'as vu là-bas ou pas? Il y a on dirait un éleveur de panthères roses là. Allez, on va peut-être pouvoir nous, il va peut-être pouvoir nous aider. On va aller voir ça. Bonjour monsieur. Parlez-nous français? Vous parlez français? Ouais, bah ouais, je suis pas débile. Hein. J'ai suivi des tutos sur TikTok. Hein. Moi, c'est Arctem Kranchimarsin. Que je puis faire pour vous aider? On est. À toi l'honneur. Vous avez entendu parler de cette créature un peu bizarre qui mangeait un peu tout le monde? Ah, bah ça, on en a entendu parler. Ça fait 20 ans que tout le monde meurt à cause de ça, oui. Bah, justement, on est à sa recherche. D'accord. Mais moi, vous savez, je suis pas spécialisé dans les animaux. Hein. Enfin, pas dans les créatures énigmatiques en tous les cas. Dans les animaux, oui. D'ailleurs, on va vérifier vos connaissances en animaux et insectes parce que ici, si vous savez pas lesquels sont gentils et lesquels sont méchants, vous risquez de. D'être mort. Non, vous risquez de contrarier les animaux gentils. Ok. Ouais. Qui deviennent méchants après. Qui deviennent peut-être méchants, ouais. Okay. Alors, à votre avis, le crocodile, le serpent et la tortue sont des reptiles? Vrai, faux ou ça dépend? Vrai. Vrai. C'est la bonne réponse. Quel est le plus petit oiseau du monde? Est-ce que c'est le colibri ou est-ce que c'est le moineau? Le colibri. Moineau. C'était le colibri. Dommage. Mais vas-y, j'avais raison, j'ai dit elle colibri. Elle avait raison. Fallait le dire plus fort. Comment s'appelle le petit du tigre et du lion? Est-ce que c'est le tigron ou est-ce que c'est le ligre? Je vais dire tigrou. Le tigron ou le ligre? Le ligre. Alors le ligre ou le tigron? Le tigron. Qui, à qui je donne Le tigron. Eh ben c'était le ligre. Ah, oh, putain. J'étais convaincue. Qu'est-ce qu'une phonotria fera? Vas-y, à toi l'honneur. Une araignée supra-dangereuse ou une limace inoffensive? Une araignée? Eh oui. Sur quel continent vit le diable de Tasmanie? Est-ce que c'est en Afrique ou est-ce que c'est ici en Amérique? En Amérique. Afrique? En Afrique. En Afrique, c'est la bonne réponse. Et quel animal est le plus paresseux? Est-ce que c'est le paresseux ou c'est le lion? Le paresseux. Et c'est le paresseux, effectivement, il n'y avait pas de piège. J'ai eu un doute. Et enfin, on termine. Bagheera, c'est une... Ah, c'est le... Bah attendez. Ah, le serpent. C'est une gentille panthère de mon élevage? Ou c'est une voiture de chez Matra qui appartient au chef? Une panthère de votre élevage? Oui, tout à fait, parce que les Matra Bagheera, ça nous servira à rien ici dans la jungle. Oui, c'est ma panthère préférée. Elle est gentille, hein. Ouais. C'est celui-là dans le livre de la jungle aussi. Oui, ici on est dans la jungle, donc en même temps, c'est pas étonnant. Bon, bref, nous, on compte sur vous pour nous aider. Hein. Bah, là, tenez, par exemple, nous, on s'aide tous entre nous. Hein, vous savez, ici, c'est la solidarité, c'est... parce que de toute façon, on est que entre nous. Ouais. Là, par exemple, je vais aider Shaki là, à soulever des séquoias géants pour construire sa hutte, parce qu'il il en a bien besoin. Attendez. Je suis là, Shaki! J'arrive! Ouais, il est un peu impatient. Et quand il est impatient, il a tendance à grogner. Oui, je vous l'ai dit. Allez, je vous laisse. Bonne enquête, les amis. Merci. J'ai pas compris. Bah, le... je suis là. Jackie? Shaki, je crois qu'il s'appelle. Shaki. Ouais, vous avez entendu son nom, c'est ça? Hein Shaki, hein. Parce que ça me fait penser à Shakira. D'accord. Je suis pas sûr qu'il avait le même physique, le monsieur, mais ouais. T'es une petite blonde. Donc, notez l'indice, hein, c'était quoi? Je suis là, Shaki. Ok. C'est un. Bon, et ça, c'est votre première indice. Alors, Emiliano, toi qui découvres hein, la jungle, et ça te fait pas trop peur la jungle, ça va? Ça va, ça va. Bon, ça me rassure. Il fait chaud, hein? Il fait chaud, ouais. Chaud et humide, ça va. Chaud et humide. Donc là, vous avez un premier indice. Pour l'instant, a priori, ça vous donne que dalle. Je suis là. C'est-à-dire pas grand-chose, je suis là, Shaki. Bon. Peut-être qu'avec les indices supplémentaires, vous allez pouvoir résoudre cette enquête. En tous les cas, je compte sur vous pour ça. Oui. On va tout faire mais pour. En attendant, on aura quelques petits trucs aussi à faire entre deux. Ah, bah bien sûr, bien sûr, une émission qui continue, celle d'Actu Solide. On va faire toute une Anaïs avec un magnifique jingle. C'est déjà l'heure de toute une Anaïs. Ouais. Et que Théo va préparer cool. Là en 2 secondes chrono parce qu'il va rechanger. Ouais, je suis un ouf. Juste après le Dico Dingo. Le Dico Dingo, ce sera des mots pas toi à deviner. Ouais. Je change un peu de trucs. Okay. Mais juste avant, on écoute une musique. Ouais, L'eau, ça. I Like Me Bitter. Un remix. I Like Me Better. Better. I like me butter. En gros, j'aime encore mieux. Le j'aime beurre. J'aime le meilleur. J'aime le meilleur, c'est bien ça. En gros. Oui, oui, oui, c'est mieux traduit. J'ai dit le beurre. J'aime le beurre. Ah, le c'est the butter. Ouais, c'est ça. Mais j'y étais presque du coup. Ouais. C'est oui, le beurre, c'est le U. Oui. Oh, ça fait butter. Oui. Ok. Là, c'est better. Là, c'est better. C'est meilleur. Ok. C'est meilleur. Est-ce c'est meilleur. Tout est meilleur. Semaine des stars. Actusolite, le défouloir d'Indestar, c'est ça. La voiture, elle allait super vite et papa, il s'est agrippé. Mais on a cassé un grillage qui allait dans l'enclos du tyrannosaure. Moi, je m'en suis cassé sous siège. Mais maman et papa, ils étaient trop gros pour casser sous siège. Alors le dinosaure, il avait rudement faim. Il a mangé papa et maman. Et maintenant, moi, je suis tout seul. Actusolite, tous les mercredis soirs, dès 21h sur Indestar. On a de la compassion. Un peu, ouais, mais ouais, bon, bah, beaucoup, ouais. Je sais pas si vous l'avez réussi cette. Si, de, chez, si c'était si, si. Vos épreuves moi, chez Jurassic Park. Pourquoi si, j'étais là. Si, non, non, là. J'étais pas là ce moment. Si, t'étais là. Non, tu devais pas être là. Non, j'étais pas là. Pas là. C'était moi qui avais trouvé la solution à ce moment-là. Certainement. Je m'en souviens. On est fiers de toi. Comme la plupart des semaines. Hein. Moi, allez, bon, arrête. J'avais tout bon sur le quiz tout à l'heure et je t'ai laissé répondre. Mais le plus important est de trouver la réponse à la question. Bah, moi, je les avais, les réponses à la question. Final. Aurez-vous les réponses à toute une Anaïs? Vous le saurez après a new jingle. Ah, nouveau jingle. New jingle because in English. Jingle. Oh, yes, of course. Y en a pas, toi. Ah, yeah, no, very, very improvisation, but it's the same song. Sauf que c'est in English, quoi. Yes, mais your song very bad. Bon, pourquoi c'est bad? It's not very bad, it's a good song. It's potable. Potable. Ah putain, c'est fort, hein, mais c'est pas toi. Ouais. Ah. Mais c'est bon, c'est comme ça. C'est pas lui. Ah. Et moi? Un, deux. C'est ah. Bon it's okay. Okay, it's okay. It's okay yeah. For you. Attendez. Ok. On a eu un. Attendez, je prends toujours ma petite jiggle en vidéo. Oh, si, it's mignonne. Juste pour le son, hein, pas pour l'image. It's amazing. Par contre, yes. Ton pied me gêne. Okay. It's sweet. Formidable. It's sweet. It's sweet. Formidable. Your pied, il me gêne. Ok. Ah, ok, let's go. The whole yesterday, listen in the star, favorite man in the funny night show, improvisation for my little Mahis. Oh, the Nana, oh, the Anaïs, oh, the Nana, oh, the Anaïs, oh, the Nana, oh, the Anaïs, oh, the Nana, oh, the Anaïs. The all yesterday, listening the star, oh, yeah, favorite moment in funny night show. Improvisation for my little manis. For the Anaïs. For the Anaïs. For the Anaïs. Non, c'est all the Anaïs. Oui, it's all the Anaïs, but it's a note, just Anaïs. I prefer you. All the of you, okay. Oui, yeah. Bref, of course. Thank for you. The Anaïs. All tout une nana, tout une Anaïs. Tout une nana, tout une Anaïs. C'était une chanson en anglais. Merci. It's my boudin di maïs. On peut sortir de l'église, je crois. Et retourner dans la réalité. Oui, ça fait bizarre. Ça fait un effet assez bizarre. Alors ça, Emiliano, sache que nous n'avions pas le budget pour développer un jingle pour cette rubrique. Donc, c'est fait, nous l'interprétons en live toutes les semaines. N'est-ce pas merveilleux? Ah, c'est merveilleux, hein, comme c'est tu peux incroyable. L'entendre. C'est incroyable, exactement, c'est le mot. Incredible. Mais quelle It's est fantastic. Cette rubrique? Alors, je vous propose trois expressions connues ou peu connues ou même pas du tout connues. Moins connues, ok. Et vous allez devoir me trouver soit la signification de cette expression ou soit tout simplement me donner la suite de l'expression. Ok. Celle-ci, vous allez me donner la signification. Ok. Avoir une marotte. Avoir une réserve d'argent. Non. Avoir. Pourtant, plus tu te crois normalement. Plus c'est bon. Nous avons deux significations possibles. Ah, en plus. Une marotte, avoir de la chance. Non. Avoir du tact. Non. Avoir du talent. Non. Une indice. Frénésie. Ah. Ça veut dire quoi, frénésie? Bah, frénésie, ça... Ah bah, je te dirais pas, c'est comme ça. Avoir une bonne humeur. Mais non, ça... Ah oui, non, bah, du coup, je vais te dire. Frénésie, c'est t'es à fond dessus sur un truc, quoi. Ah ouais, avoir une obsession. Non. C'est ça? Non. C'est un peu ça. Avoir enfin, un une... La frénésie de quelque chose, attention. Une marotte. Une passion. Non. Agir en tête de mule, non? Quoi? Un quoi? Être une tête de mule, non? Et une tête de mule. Non. Non. Deuxième indice? Ouais. Démence. Avoir l'Alzheimer. Non. Non. C'est un synonyme de la démence. Avoir possédé. Non. eh bien, être un peu foufoufou, quoi. Oui. Oui. C'est la folie. C'est la folie. C'est la folie. Oui. Mais nous avons une autre signification. Ouais. Ça peut exprimer aussi des manies peu recommandables. Genre quand tu fais un doigt d'honneur. Ah oui. Une manie peu recommandable. T'as des manies pas recommandables. C'est vrai que c'est pas très recommandable. J'ai jamais envoyé un doigt d'honneur pas recommandé. Moi non plus. c'est comment ce l'expression? Avoir une marotte. Avoir une marotte. Oh, t'es une drôle de marotte, dis donc, toi. Merci. Ça veut dire en plus, c'est un truc qui peut me signifier largement, quoi. En gros, ça veut dire que t'as aucune manière, toi. Aucune bonne manière. Ah ouais, une manie peu recommandable, c'est par exemple quand je suis au téléphone avec Théo et que je lui rote au téléphone. C'est une mauvaise manie. Par exemple, c'est une mauvaise manie. C'est. Ouais. Deuxième expression. Oui. Discuter à bâton rompu. Oh, bah c'est facile, ça. Bah dis-moi. Quand on est des commères. Non. Quand tu discutes à bâton rompu, ça veut dire que t'as pas le filtre. Non. C'est-à-dire que tu dis tout ce que tu penses. Non. Bah si. Bah si. Si. Tu ne dis pas tout ce que tu penses. C'est en fait, t'as une vraie discussion. Non, pas vraiment. Quand tu discutes à bâton rempli. Mais il va me dire ce que c'est. Mais oui. C'est que t'as une vraie discussion où t'as pas. Tu dis les choses, quoi. Non, c'est une discussion où t'as pas de vrai sujet. C'est tu parles de tout et de. Mais... Eh. T'es d'accord avec ça, Emiliano? Oui. D'accord, je ne dis plus rien. C'est quoi ton expression? Mais pour. Attends. Discuter à bâton rompu. Ouais, bah écoute. Cherche. Et où? Je te redonne. Allez, Lico. Va chercher le bâton rompu. Vas-y, cherche le bâton. Pour moi, et. À bâton écoute, rompu. C'est ce que monsieur Google m'a donné. Ouais, bah hein. Attention, Google. Hein. Faut se méfier de monsieur Google. Pour moi, c'est une discussion où tu peux dire tout ce que t'as envie de dire. Bah, écoute, non, c'est discuter de rien. Changer de sujet, de conversation au hasard de ses envies. Parler de tout et de rien sans forcément avoir un vrai sujet de discussion. Ah ouais, tu vois, moi j'avais pas comme ça. Hein. Et bah t'arrêtes la prochaine fois, tu te tais. D'accord. Et tu me. Hein ah ouais, pourtant je l'avais, hein, j'étais persuadé de l'avoir. Hein. Bon, c'est pas grave. Là, vous allez devoir me trouver la suite de l'expression. Ok. Rire comme un. Con. Non. Rire comme un nain jaune. Non. Rire comme un singe. Non. Rire comme un agneau. Non. Comme un hippocampe. Non. Comme une hyène. Rire comme non. un. Est-ce que c'est un animal? Non. Ah. Rire comme un. Est-ce que c'est une personne? Enfin, qui désigne un humain, quoi. C'est une personne, mais qui a une particularité pas forcément agréable à regarder. Rire comme un mec sans nez. Quoi? Non, ça doit rire pas rire comme un moche. Non. Rire comme un. Les. Comme un. Ah, comme un idiot. Non. Simplement. Premier indice. Ah, bah, j'avais marqué personne. Deuxième indice. Tordu. Rire comme un cinglé. Non. Tordu. Ouais. Rire comme un débile. Non, rire comme un. Je l'ai pas. Ça, alors, même. Si je vous donne le troisième indice, il est très reconnaissable. Ouais, bah donne vous parce connaissez qu'on est con. le dessin animé. Non. Le 1 de Notre-Dame. Le bossu. Voilà. Rire et comme donc, un bossu. Oh, c'est ça. Rire okay. comme un bossu. Oui, je l'ai déjà ça entendu. Ça exprime rire. Ah oui, parce classes, qu'en fait, vu que tu ris, bah tu. Ah ouais, tu te courbes un peu. Tu te tords de rire. Ah oui, c'est ça. D'où le mot tordu. Ah, le Père Noël est de retour. Ah oui, c'est le Père Noël. Il semblait que c'était fin des champs. Je reconnais ce rire. Et quoi, allez, voilà, c'est tout pour moi, je me casse. Et bah pour une fois, c'était pas si facile que ça. Non, c'est bah. Pour moi, j'avais le bâton rompu, mais. Mais tu l'avais pas. Mais en fait, et non. En fait, tu l'avais pas. Peut-être que pour Dico Dingo, t'auras peut-être un peu plus de chance. Non, c'est pas de la chance, c'est de la culture. Ouais, mais peut-être un peu plus de chance. Je suis déçu de pas avoir beaucoup de culture en fait. Ça arrive. Ça arrive, ouais. Le Dico Dingo, c'est le Dico Dingo. Le Dico Dingo, le Dico Dingo. Wouf wouf. Le Dico Dingo, le Dico Dingo. Wouf wouf. C'est le Dico Dingo. J'attendais le dingo. Ah, j'ai du coffre. Je crois qu'Emiliano, il s'est dit où est-ce qu'on est tombé. Oui. Ah bah alors ça, non, tu peux te le dire régulièrement, mais vous le dites tous à un moment donné. Je ressens une certaine gênance en faisant le wouf wouf. Non, pas moi. Tu vois, autant le Dico Dingo. Moi, je trouve ça te va bien. C'est ma voix de baryton. J'ai une chienne. Comme vous savez, comme tous les mercredis soirs, le Dico Dingo, le principe est simple. Un mot, à vous de deviner ce que c'est. Oui. D'accord. Rien de compliqué. Quelle est la définition du mot? Suivant. Attends, je le cherche parce que j'ai. Elle prépare même pas ce bourré. Alors qu'elle a genre 3 mots. Je crois. Premier mot. Ta gueule, toi. Premier mot, frouillé. Comment? Frouillé. C'est un mélange de fouillé et de froufrou. Et de frouillé. Non. Frouillé. C'est. Oh, je sais, c'est quelque chose. Moi, qui, je frouille. Laisse-moi réfléchir encore un peu. T'as voulu dire quelque chose histoire de gagner du temps. frouiller. C'est quelque chose que l'on va secouer ou non, on est d'accord, on va tout action. Faire pour avoir quelque chose. Oui. On va tout faire pour avoir quelque chose. Non. Est-ce que c'est fouiller? Si, si, ça, oui, c'est un peu faire pour avoir faire quelque chose. Tu vois? Est-ce tu que... fouilles très profondément. Tu frouilles, quoi. Non. Moi, je frouille. Ah non, mais on me en... dit, ah, dis donc, Théo, qu'est-ce que tu frouilles en ce moment? En latin, le mot, c'est frodis. Ça ouais. m'aide pas. Ça non, c'est vrai qu'en latin, j'ai pas fait de latin. Pourtant, quelqu'un ça... fait du latin dans cette salle? Personne, ok. Bon. Ça se fait souvent en, action. En jeu de société. Je ah, tu triches. Je te l'aide. C'est ça. Je triche. C'est quelqu'un qui triche. Moi, je jette les dés. C'est vrai que toi, t'es plus honnête dans l'histoire. Et moi, j'avoue que moi, je suis une grande tricheuse. T'es une moi, frouilleuse, franchement, hein. Si ah, je peux, tout le temps, je te jure tout le temps, ah. Si je peux frouiller, je frouille. Ah oui, moi aussi. Genre, avec il n'y a mon... pas qu'au jeu de société. Avec mon arrière-grand-mère, quand on se voyait, à chaque fois, c'était petits chevaux et nains jaunes. Ah, j'avoue, c'est... ça, c'est des jeux d'arrière-grand-mère. Ah, parce que la mienne, jeux, mon arrière-grand-mère, c'était petits chevaux et nains jaunes aussi. Ah ouais? Ah bah oui. Et du coup, à chaque fois, genre, on avait de la peine pour mon arrière-grand-mère, pour les petits chevaux. Alors, on disait, vas-y, gagne, on te fait une fleur, on te fait une fleur. Mais à chaque fois, on se faisait couiller, tu vois. Ouais. Mais à chaque fois, il fallait que je triche. Elle a nous tué, par contre, hein, t'inquiète ouais, pas. Hein. Pas de pitié, quoi. Mais du coup, je trichais quand même, même avec mon arrière-grand-mère, j'avais aucun scrupule. T'es vraiment une frouilleuse professionnelle. Non, mais grave. je triche tout le temps. Moi, c'était Uno. Je trichais, genre, je mettais les plus 4 au niveau de mon truc. Et puis, Ah, je pensais que tu disais Uno alors que t'en avais 3. Ça se voyait, non, du coup. Non. Tu plantes les cartes. On est au premier tour, t'as déjà plus de cartes. Au Monopoly aussi, tu piquais ah, dans bon la Monopoly, banque. Monopoly, évidemment. Faut jamais me laisser ma banque, la évidemment, banque. Évidemment, Monopoly, ouais. Évidemment. Le deuxième mot, Big Eye. Comment? Big Eye. Oh, ah. C'est quelqu'un qui va. C'est un humoriste qui va faire une petite blague. Mais j'ai pensé à la même chose, quelqu'un qui a assez gay. Je suis Big Eye aujourd'hui, je suis. Ah, je suis de bonne humeur, tu et vois. Et bah pourtant, vous avez faux. Mais moi, je dis que c'est ça. Non, donne-moi le point. On pourrait réinventer le terme. Hein. Parce que franchement, ça nous parlait à tous les deux. On est d'accord, alors qu'on connaissait pas on la d'accord. Définition. Premier indice, c'est rond et on en a tous. Des lunettes. Ah non, on en a pas tous. Des yeux. Non. Des seins. Non. Des ronds. Mais des non, cul, un cul. Des fesses. Non. Qu'est-ce qui est rond sur moi? Mon poignet. Qu'est-ce qui est rond sur nous? Sur nous, hein? Non. En nous. On en a tous. On en a tous. On a tous des ronds. Ça n'a pas trop de valeur. Ah non. Des pièces de une tête. Des centimes. Oui, des... c'est ça. Ah ouais, des pièces de monnaie. Ouais, c'est des pièces de centimes. Ah ouais. Hein comment dis, je suis trop bon. Tu dis, tiens, je vais à la boulangerie demain, je vais leur donner ma bigaille. Ah ouais, j'aurais dit plutôt genre une grenaille. C'est la monnaie quoi. C'est la monnaie. Ouais. Oui, c'est la monnaie qui dérange le monde. C'est les pièces de monnaie. C'est les pièces rouges qui cassent tes couilles dans le porte-monnaie. Ah, ok. Clairement. Okay. On est d'accord. Deuxième mot, troisième mot, puff. Puff. C'est... Oh, c'est quelque chose de qui. C'est la toffe. Je suis la toffe avec des puffs et des roughs. Des bofs. c'est des gens qui sont inintéressants. Est-ce qu'on peut puffer? Par exemple, est-ce qu'on peut faire l'action du puffage quoi? Non. Est-ce que j'ai eu bon temps ou pas? Non. Non, non, c'était faux ça. Ça peut être une allergie pour certaines personnes. Ah ouais. Le pollen? Non. Non, non, c'est. Ouais, je peux pas régulièrement parce que. Ta gueule! Emiliano, t'as une idée? Pas du tout. Puff! Ça vole! Ça vole le puff? C'est un moustique. Non, un moucherique. Ah, un papillon? Non. Est-ce que c'est un animal? C'est pas un animal. Non, c'est pas un insecte. Mais bah, toi, elle a dit que c'était. Ah bah non, c'est l'autre plutôt. C'est pas un oiseau, c'est pas un truc vivant quoi. Non. Non. Ça vole. C'est une feuille. Non. Et quand tu dois faire ça toutes les semaines, t'as les boules. Ouais, j'avoue. Faire le ménage. Non, c'est mon troisième indice. Les feuilles, moi. Non. C'est un truc que tu fais qui vole. Une allergie, ça vole et t'es obligé de le faire toutes les semaines. Ah, la poussière. Oui, c'est ça. Ah, mais on en a tous, la poussière. Bah oui, on a on ah, chez nous, non non non non, on en a tous, c'était pour les pièces. Ah c'était pour les... Ah mais moi aussi, moi j'avais encore le truc tout en tête. Vrai, hein. J'avais 10 indices en tête. Des gens peuvent être allergiques à la poussière. Oui, oui. Ça vole de partout, t'as toujours de la c'est poussière vrai, qui non, vole. Mais... non mais c'est vrai. Et c'est chiant à faire toutes les semaines, je suis désolée, même si moi je les fais pas toutes les semaines, c'est chiant à faire toutes les semaines. Si tu arrêtes, tu le fais toutes les semaines, tu passes une heure et demie de dimanche à faire du ménage. 4 heures des fois. 4 heures. T'es vraiment une maniaque de la vie. Et pas désolée, du tout. Mais quand il y a 240 mètres carrés, les gens disent oh c'est cool, t'as une grande maison. Ouais, c'est cool, mais viens la nettoyer s'il te plaît. Surtout quand c'est une maison à la campagne avec les chefs qui rentrent dans la maison. Non, les chefs ne rentrent pas de chez moi. Mais ouais. Mais mes chiens rentrent chez moi. Ah bah moi, les chiens, voilà. Bah oui, mes pauvres bébés, je vais pas les laisser sous l'eau. Il est en train de confondre des chèvres et des chiens. Bah, c'est pareil, c'est à 4 pattes et une queue. Oui, mais ça moi pas aussi, de corne. Je connais des gens qui sont à 4 pattes avec une... Ça a pas de corne. Les chiens. Ah, j'avoue que j'ai pas regardé d'assez près. Je peux leur faire incruster. Merci. Ok. La chirurgie avec Anaïs. Ouais, c'est autre chose. Hein. on va faire un record juste après. Yes. Un record, un petit défi, oui, on peut appeler ça comme ça. Oui, c'est un défi, on va pas casser des briques non plus. Bien sûr. Et là, vous entendez très bien cette musique, ça vous dit quelque chose? Bah, c'est Tyler Summer World. Avec Summer, Summer of 69. Bon, Bryan Adams à la base, c'est une chanson de Lover. On fait un slow? Dansons. Non, j'ai plus. Vous n'imaginez pas tout ce qu'Actu Solide peut faire pour vous. À vrai dire, nous non plus. Indestar. Et non, on cherche encore. Et on commence à les connaître par cœur, les jingles. Hein. Bien sûr. Juste la fin de la phrase. Ah non, moi tout. Ah, mais c'est quand on entend le début que forcément What on a la fin. Else ouais. Un café, Georges. Exactement. Indestar. Oui. C'est ce soir. Actu Solide aussi. Oui. Parce qu'on est mercredi. Et on est sur Indestar. Et on est sur Indestar. On a une enquête de ouf à résoudre ce soir parce qu'il y a tout un peuple de la jungle à sauver. Mais ce qui nous intéresse maintenant, ça n'est pas ça. Parce qu'on aime bien jouer aussi, on aime bien s'amuser. Voilà. Ouais, c'est ça. Et ce soir, c'est un petit défi, on va dire. Yes. Je peux l'expliquer? Vas-y. Parce qu'après tout, c'était mon idée. Ça va être moins bien expliqué, alors, mais vas-y. Ça va les couilles. On peut pas faire autant parfait que moi. C'est bon, toi, te jettes pas des fleurs, madame. Vous avez tout à fait raison, mademoiselle Amélie, vous êtes la meilleure. Henri, poète. Alors. Pouette, camembert. Là, on sent vraiment le la poigne là, là-dedans. On a tous une ardoise avec un stylo et on va devoir dire des mots chacun notre tour et dessiner ce mot-là sur l'ardoise, mais en ayant les yeux fermés. Ok. Alors, je précise quelque chose, c'est que si vous voulez nous voir et puis voir les dessins que ça donne, on est sur Twitch. On est sur Twitch. Alors, vous avez, vous allez pas vous embêter à aller sur Twitch et puis taper Indestar Radio. Vous allez simplement sur le site internet indestar.fr. Vous y êtes déjà peut-être. C'est violet. Et vous cliquez sur le petit bouton violet. Exactement. Et si vous écoutez cette émission podcast parce que vous n'avez pas eu le temps de l'écouter en direct, eh ben, chez. Voilà. Vous ne verrez pas nos dessins. La prochaine fois, vous nous suivrez. C'est peut-être pas plus mal. En live. Donc, Anaïs, tu dis ton mot, on ferme les yeux. Aucune triche, par contre. Hein. Ah, aucune triche. Et on a alors, combien de temps pour le faire? Non, bah le temps qu'il faut, quoi. Oh, bah, mais non. Il faut se donner un on temps. On donne 15 secondes. Et si vous voulez, on a le truc de 30 secondes. Ah, et ça fait gling-gling, d'accord. 30 secondes, ça fait énorme. Hein. 30 secondes, c'est vrai que ça fait mais beaucoup. Mais on peut arrêter avant. Hein. 15 secondes, je mets sur mon téléphone. D'accord, tu mets sur ton téléphone et du coup, ça fera gling-gling aussi. Alors moi je sais pas. Et les caméras vont nous dire si on triche ou pas. Attention. Je et on ferme vraiment les yeux. Hein. On ferme vraiment les yeux. Ah bah c'est un minuteur. Je vous propose. Ouais. Attends, je mets 15 secondes. Attends. Vas-y, c'est bon gros. T'es prêt à éliminer l'eau, tu as le crayon. Attention. Un nounours. Un nounours. Un nounours en peluche. Ok. D'accord. Attention. Attends, chronomètre. 2. Trop tard, c'est fait. Ah c'est parti. Je suis perdue. J'essaye de faire comme je peux, les gars. On se fout pas de notre gueule. Emiliano, t'y arrives? C'est compliqué en vrai là. Oui. Ouais, moi aussi, ça a l'air d'être stylé. Non, mais ça ressemble à rien, je crois. C'est parti dans tous les sens. Je sais même plus où je vais marquer. Et il reste combien de temps? Je sais pas. Je peux ouvrir les yeux pour regarder le temps qui reste? Oui. Ah, bah en fait, j'ai mis 14 minutes. Donc ça ah, elle est con, elle. Mais je crois que c'est bon. Oh, c'est stylé! J'ai pas fait exprès. Moi ça ressemble à rien. Je suis désolé par contre mon stylo, je suis pas sûr qu'on va voir vraiment sur la caméra, mais on va les approcher. Mais en vrai si on regarde de près, le mien est stylé je trouve. Il fait un peu la gueule mais il est stylé. Mais en fait on voit rien. Moi mon stylo, il a pas approche trop fonctionné. Toi. Ouais, ça va. Mais regarde le mien, moi en fait moi il a la tête dans le cul. Alors, je vois rien. Bah, ah il y a ah oui. Il a la tête dans le cul. On dirait en fait un peu plus une souris qu'un ours, j'ai l'impression. Ouais, moi aussi j'ai l'impression que c'est plus une souris. Hein. Ouais. Emiliano, c'est très simple. Et toi? C'est pas mal. C'est pas assez. Alors oui, c'est entre une souris et un ours, on non, sait pas c'est trop. Un nounours. C'est un nounours. Est-ce qu'on aurait un stylo qui fonctionne? Celui d'Anaïs, il fonctionne très bien. On va vous mettre près de la caméra pour que vous voyez quand même. Je l'ai effacé. Je t'ai donné. Ouais, mais tu m'as passé un stylo qui fonctionne pas si bien que ça. Non, mais moi je l'ai effacé le mien. J'ai effacé de toute façon, t'as fait une souris. Moi, c'était le pire. Voilà. Donc là, là c'est le dessin de qui que tu montres, de moi. Le dessin d'Anaïs. Et juste après, le dessin de. Bah, moi, je préfère le mien, je le trouve kiki. Lui, Anaïs, c'est quand même mieux. Il est kiki. Bah, le mien. Ah, eh, viens parler dans un micro là, viens là. On t'a jamais appris en disant carrière de le mien, on dirait un Pokémon, j'aime bien. Emiliano, ah, je suis désolé, ça a pas du tout donné ce que je voulais, c'était pas la bonne caméra, je vous le remontre. Putain, il est cool. Oh là là là là. J'ai effacé le mien, de toute façon. Voilà, on est d'accord, on est nuls tous les deux, c'est, hein, c'est pas fou. Mais vous votez pour qui, vous, le mien ou le sien? Non, mais moi je dirais Anaïs. T'as craqué. Allez, prenons celui d'Anaïs, mais en même temps, il y a un inconvénient en vrai, parce que tu vois, toi, voilà. Non mais ton stylo fonctionne vachement mieux que le mien. Mais arrête, pourquoi tu m'as gribouillé? À moi. Non, c'était juste pour tester. Attends, j'efface. Ok. Et on marque un point pour moi les gars. Allez, un cette point fois-ci pour j'ai mis 15 secondes, pas 15 minutes sur mon minuteur. Merci. Et vas-y. J'avais pas vu qu'en haut il y avait marqué 1 minute. Oui, c'est bien, oui, c'est d'accord, quoi on a compris le Et on se calme. Allez. C'est un parapluie, mais attention, avec des cœurs dessus, colorié sur la toile. Oh là là là là. Attention, et on a 15 secondes, c'est parti. C'est parti. On ne triche pas, hein. Je vous ai à l'œil, hein. Hop, je le sens que ça se passe bien pour moi là. Est-ce que vous sentez les good vibes? Bah non. Attention, je vais les cœurs. S'il n'y a pas les cœurs, c'est éliminatoire. Mais on met tes cœurs là. Vous m'en faites plein. Ah, ça y est, ça y est. C'est déjà fou. Putain, tu m'as donné ton stylo qui fonctionne là, là, là. Pas. Non, c'est pas vrai. Bah il fonctionne plus. Il fonctionne plus. Bon, ça ressemble moyen à un parapluie, moi, en vrai. Fais voir. Le mien est mort, mon stylo est mort. Bah, le mien aussi, il est mort. Mais est-ce qu'on peut pas faire ça sur des feuilles au lieu de faire ça sur des ardoises où on voit rien? Eh, le mien est. Ah, j'avoue que le tien est bien. Ouais, mais attends, ça compte pas parce que moi, tu le vois que dalle en fait. Bah oui. D'accord. Moi, je demande revanche. Ouais. Est-ce qu'on recommence sur une feuille de papier? J'avoue, on recommence sur une feuille de papier parce que au bout d'un moment. On voit que dalle là. Allez. Comme ça, je me suis inspiré des vôtres. Non, faut que t'ailles nous en chercher, Théo. On t'est faire du sport avec des stylos, s'il te plaît. Oui, avec des stylos, bien sûr. Parce tu que ça sera mignon. Ouais, parce qu'en fait, on n'a pas trop de budget à Indestar. Et du coup, nos stylos sont un peu foutus. Stylos. Merci, Teddy, de nous niquer tous nos stylos à chaque fois parce que tu écris trois textes sur chaque ardoise. Voilà. Il y en a Théo, six. T'en es où? Théo, t'attends. Nous t'attendons. Et pour Théo, allez, allez. C'est des trucs indélébiles. Ah ouais. Correctement. Du coup, on voilà. Alors. Une feuille chacun parce que faut pas tuer les arbres non plus pour rien. Merci. Merci. Hop. Hop, on se prend chacun. Ah là, une feuille. Merci. Attention que ça traverse pas le bureau. Est-ce que tout le monde est ready? Yes. On reprend du coup sur le parapluie? Ouais. On reprend sur les parapluies. Ok. Ok. Donc 3. Vous êtes prêts? Avec des petits cœurs dessus. Hein. Oui. Il y a, Théo ne panique pas. C'est bon? Ouais, 1, c'est bon. 3, 2, 1, it's party. Attention, concentré, vous avez intérêt de me faire des bêtes de trucs. Là, je sens que ça se passe bien, là. Vous sentez le truc glisser sur vos doigts? Ouais, mais je sais pas sur où. Je trouve que c'est vachement agréable. Les petits cœurs, on n'oublie pas les petits cœurs. Oui. On t'a compris avec tes cœurs. Ah, ça y est, j'entends, moi. Ah oui. Ok. Ah, c'est fini. Ouais. C'est pas beaucoup mieux que tout à l'heure. Moi j'ai mes cœurs qui se baladent mais partout. Mais c'est plus visible. Et j'ai mes cœurs partout, mais pas dans le parapluie. C'est s'envoler, mais tu sais que c'est poétique quelque part. C'est mes cœurs, mon parapluie en vrai il est bien fait. Ouais, c'est vrai qu'il est plutôt mais pas les mal les fait. Cœurs, par contre, on les cœurs voit sont pas. Hachés. Tu nous as fait chier pour les cœurs et on les voit pas. Et il est pas mal ce d'Emiliano. Ouais, c'est celui-là d'Emiliano. On dirait en un fait, B. Emiliano, genre il va au simple. Oui. Mais efficace. C'est vrai que oui, ton parapluie est plus simple que le nôtre, mais tu as raison. Non, moi je donnerais une victoire pour Emiliano. Ouais pareil. Aussi. Est-ce qu'on montre On montre peut-être. C'est sur où? C'est où? Montre devant, c'est très bien. Voilà, change. Voilà. C'est bon? Ok. C'est bon. On voit bien? C'est bon? On voit bien, okay. On plie la feuille, hein, parce que chez Indestar, on est. Pas de. Économe. Economics. Ah bah oui, toi t'as de la place. Moi j'avoue que j'ai pris la moitié de la feuille. Oui, moi aussi. Tu sais, quand je fais des trucs comme ça, tout de suite ça prend toute la feuille. Je comprends. Théo, ton mot. Oui, alors moi c'est un home cinéma. Ouais, je sais, je suis chiant. C'est quoi ça? C'est une barre qu'il y a sous home, la télé. Non, c'est pas une barre, c'est un home cinéma. Je veux le home cinéma complet. Attention, c'est genre 15 les secondes. Fauteuils et tout là. Je veux pas de fauteuil, je veux le home cinéma simplement. En gros, ça ressemble à quoi? En gros, c'est deux petites enceintes avec une barre de son. Un home cinéma, c'est la télé, l'ampli, les enceintes en Dolby 5.1, 7.1, ce que tu veux, Dolby Atmos. Mais tu sais qu'on a que 15 secondes. Oui, c'est, okay. C'est pour ça. Allez, attention, 3, 2, 1, c'est parti. Ça me stresse en ce temps. Je suis stressée. Ah, je suis en dehors de la feuille. Le but c'est d'être dedans quand même. Ah, c'est fini. Ah ouais. Bon bah ok. C'est pas si mal. Ouais, j'avoue ça ressemble à rien. Ouais, alors Liano ouais. Je sais pas hein. En fait on a tous la télé. D'accord. On a tous des enceintes. Moi j'ai mis le rétroprojecteur. Attends, rétroprojecteur, pourquoi pas. T'as des enceintes. Alors par contre, attends, toi tu as deux paires d'enceintes. Ça c'est pas un Dolby Cinéma, c'est mauvais. Moi j'ai la barre du son. Ouais. Avec le plus et le moins. Et les deux petites enceintes. Bon, ça marche. Mais moi aussi ça marche. Non, et non, ça marche pas bien, t'en as que deux. Et regarde, Emiliano, Théo. 1, 2, 3. Il y en a 3. Okay. Bah ouais, mais moi j'ai un rétroprojecteur en plus. Hein. Moi j'ai le canapé. J'ai les enceintes derrière, j'ai non, les enceintes de la merde. Devant. Non, toi, c'est de la merde. Quoi ? Non, en vrai, lui, Théo est meilleur, hein, je crois. Ah bon ? Oui. Bah, ouais, mais alors, je pense, mais c'est pas foufou non plus. Hein. En fait, on sait pas trop à quoi ça ressemble, quoi. Ouais, on dit pas que c'est ça, en fait. Si ! Non. Bah, c'est pas parce que j'ai une enceinte dans la télé. Une question de... Non, moi je dis personne là, cette fois-ci. Bon, allez, personne là. Ok, je suis bon joueur, personne là. Et il nous manque le mot d'Emiliano. Trouve-nous un mot comme ça au pif. Ouais, par contre, j'ai plus de place. La tour Eiffel. Ah, elle ressemble à quoi, celle-là, déjà? Ah, la tour Eiffel, ok. Attention, la tour Eiffel illuminée, bien sûr. Ah bah oui. Avec les guirlandes et tout, là. Elles sont où, les guirlandes? Il y a des LED et tout ça. Partout. Fait des petits points quoi. Ouais, c'est ça. Petits ok, attention. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Go. Je sais plus à quoi ressemble la Tour Eiffel. Moi, j'arrive plus à la voir là. Je suis plus trop parisienne. Hein. Est-ce que vous entendez ces petites tapes de mes guirlandes? Hop, hop. Moi, je dis, on fait des traits partout. Et c'est fini. C'est fini. Bon, moi, elle est illuminée que d'un côté. ah oui, là on a un sapin de Noël. Sapin, moi je sais même pas ce que c'est. Alors toi. Je sais pas. Non mais tu me le caches là. Alors là on va perdre. Attends. Anaïs, ouais, alors t'as une structure en métal. On voit la structure en métal. Ouais, Amélie, pourquoi pas, c'est un A. Ok. Moi j'avais quand même la forme de la tour Eiffel. Hein. Ouais, ouais, franchement, ouais. Hein. Mais moi j'ai. Par contre, ils ont fait des économies sur les illuminations. Bah, moi justement, mes points ils sont bien placés, mais pas au bon endroit. Oui, bah mais non. Regarde, mais c'est dur. Sur le tour, tu vois. Mais ah oui, toi, je vais pas voir. Elle fait pipi là, la tour Eiffel. Fais voir la caméra. Ouais, non, ça va pas. En vrai, ça paraît pas, mais c'est super dur hein, d'écrire. Non, en fait, ce qui est difficile, c'est quand tu lèves le stylo. Pour savoir, par exemple, tu vois, là j'ai fait ma forme de la tour Eiffel, donc c'est pour ça qu'elle ressemble à peu près à une tour Eiffel. Par contre, quand j'ai levé le stylo pour faire mes petits points. Là, on a vu que c'était la galère. Ou pour faire mon étage il est beaucoup plus petit que la structure de la tour Eiffel, tu vois. Ouais, il est au bon endroit, mais il est beaucoup plus petit. Mais arrête, moi c'était pas mal non plus. Là, j'avais fait les étages et tout. Ouais, genre, mais par contre, toi c'est vraiment un A quoi. Toi. Non, moi je dis, j'ai le début de la structure, d'accord. Toi t'as mais, des. Ouais. Les guirlandes ne sont pas bonnes. Les guirlandes sont clairement pas bonnes. Sont... Mais c'est ça, mais moi je lève le stylo, donc forcément après. En fait, elle nous a fait la tour Eiffel en travaux, tu sais, avec des grillages devant. Oui, c'est exactement. Ça. Exactement. Est-ce voilà, que du coup j'ai le point? J'adore le concept. C'est à peu près non, ça. Non, moi je me mettrais un point quand même. Hein. En plus, j'ai la petite antenne. Ouais, ouais, t'as le point. Donc en fait, ça fait un point pour Emiliano, un point pour toi et un point pour moi. Donc égalité, Amel, t'as perdu. Voilà, ça c'est fait. Ouais, mais qui a le quatrième point? Bah c'est moi. Bah, mais non, ah c'était non, le avait... le ah oui, on avait dit à personne, d'accord. Non. Ok. Et moi j'ai pas eu bon. Bah non. Non. On l'avait donné à personne le cinéma. Bah... Ok. Bon bah allez vous faire. Bon bah voilà, c'était un bien bon record de dessin. Bon bah écoutez, moi j'en ai marre de vous. On va bientôt repartir en Amazonie. Ah yes. Dans la jungle. Dans la jungle. Terrible jungle. Le lion est mort ce soir. Rip. Oh oui, bah ouais. C'est ça. On n'a pas mis le rythme. Si, on a mis le rythme. On n'a pas mis la musique. On n'a pas mis la musique. Oh, tu m'as pas mis la musique. Mais moi la musique. Tu veux pas la mettre après? Non, maintenant. Quelle musique? Bah la musique du lion est mort ce soir là. Non mais c'est ouf ça. J'avais prévu en plus. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Ce soir. Viens la belle, viens la gazelle, le lion est mort. On s'en fout. Oh Wimboé, oh Wimboé, oh Wimboé, oh Wimboé. C'est toujours en rip ce moment-là. On va écouter de la vraie musique. Hein. Vous n'avez plus d'oreilles. C'est normal. Vos écouteurs, les gars. Vous êtes dans un petit voilà. Le lion est mort ce soir. Il est mort. Plus de carnage. Le lion est mort ce soir. Ok. Aïe. Rock and jam. Oui, bah oui, ça sera mieux. Ouais. Aïe. Je supporte, mais je n'ai plus de tympan. Et c'est Joachim Caroud. Caroud. Tu chantes. Sur Indestar. Parce que. On est content. Vous le valez bien. Actu Solite, le défouloir d'Indestar, c'est ça. Nous avons décidé d'aider une maman en détresse. Elle tombe enceinte de triplé. C'est-à-dire qu'elle en a trois. Voilà. Et sa mère nous a dit qu'elle voudrait en garder qu'un seul. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que je pensais qu'on en faisait trois. Actu Solite, tous les mercredis soirs, dès 21h sur Indestar. J'aime les enfants. Ouais. Et on est encore là. Aïe. Oh non. Non, stop. À un moment donné, parce que nous on est encore là, mais peut-être que vous vous êtes plus là. Tu vois, on c'est on ça en train le problème. De saturer tout en fait, tu l'entends, t'entends. Non. Heureusement avec le traitement de son de ouf. Ah, voilà. Attends, attends, écoute, ça. Écoute bien, écoute bien. Écoute, t'entends le crrr. Anaïs, c'est prête. 1, 2, 3. Ouais, à un moment donné, le traitement de son, on peut plus rien faire pour ouais, nous. Ouais, j'avais raison. Les pauvres, ils ont plus d'oreilles là, je crois. C'est pas notre faute. C'est pas ma faute à moi. Ma Lolita. Ma Lolita. Dis donc, ce soir, on chante pas trop, j'ai l'impression. Ça va par moment en fait. C'est... On chante quand même pas mal. Hein. Disons que c'est. Globalement, c'est vague. Une émission de chansons actuellement. De mal chansons. De chansons nulles, mais de chansons quand même. Là, peut-être que vous allez continuer de chanter, la joie de vivre ou pas, parce que vous êtes retourné dans la jungle. Et mes amis, c'est pas la jungle, c'est pas facile, facile tous les jours. Oui, il y a si, une si. Enquête à résoudre, une de la plus haute importance, puisque nous avons un peuple à sauver. Ils étaient beaucoup avant, ils sont beaucoup moins maintenant. Trouvez la solution, qui les élimine, et revenez à la maison avec cette solution. Merci. Voilà. Vous avez un indice déjà, hein. C'est quoi l'indice? Je suis là, Shaki. Shaki. Je suis là, Shaki. Okay. Je suis là, Shaki. Attends, okay. J'essaie de chercher un. D'accord. Bref. Bon, ça, c'était un indice qui n'indice rien du tout. Faudrait un autre indice qui indice. Il faudrait tout. Un indice qui soit plus indicateur. C'est parti, retournez dans la jungle. Oui, on m'avait fatigué, tiens. Ouf, je suis fatigué. Oh, punaise, j'ai l'impression qu'il fait super chaud. Ça te dit, on essaye de se trouver un petit bar là pour que je puisse demander à boire? Non, mais t'es sérieuse là? T'es vraiment sérieuse? Bah oui. Tu crois qu'il y a un bar comme ça en pleine nature qui va nous attendre dans la jungle, toi? Je sais même pas s'ils ont de l'eau. Ça se trouve, on boit leur pisse. Mais tu me dégoûtes. Attends, ça veut dire que le jus de citron qu'on a bu tout à l'heure, qu'on nous a proposé à l'arrivée, c'était leur pisse, quoi. Ah, je me disais, ça avait un petit goût amer à la fin, je trouve. Bah, Théo, en plus, il nous a même pas donné une feuille de route. Ah, tu peux regarder, je crois que j'ai un moustique dans l'œil. Un moucherique. Tu sais, les moustiques de la jungle. Ouais, c'est un moustique, quoi. Genre, allez. Non, mais en gros, genre Théo il nous a dit d'aller crever là-bas, quoi, clairement. C'est démerdez-vous. Ah, attends! Est-ce que t'entends la musique là? Moi, j'entends. Moi, je propose qu'on aille voir parce que bon, ils font peut-être encore la fête de la musique ici avec le jet lag. Jet lag. Ouais, il y a un gars là-bas. Ma langue a fourché. Salut, petit enfant! Salut! Moi, c'est Mowgli! Vous êtes les Actus Solides, vous? Oui. C'est ça. Ah, chouette! Ah, faut que je vous présente Tam Tam Man, c'est le musicien du village! Mais je vais rester avec vous pour faire la traduction parce qu'il est vachement vieux et il parle combebe. C'est notre langue traditionnelle. Ah. Venez, suivez-moi. Il est là, vous pouvez lui dire bonjour. Bebe. Bonjour, Tam Tam Bebe. Et vous savez pourquoi on l'appelle Tam Tam Man? Parce qu'il tam tam tout le temps. Non, parce qu'il avait un tam tam pour envoyer des messages dans les années 90. C'est genre l'ancêtre du téléphone portable, quoi. Bah, bref. Parce que vous, en pleine jungle, vous avez un téléphone portable. Ah bah oui, on était vachement moderne. Bah, il y a la fibre et tout. Ah. La 4G. Et c'est pas parce qu'on vit dans la jungle qu'on n'est pas moderne. Hein. D'ailleurs, là... Ah oui, il kiffe sa race avec la pookie dans le side, il nous dit. Là, j'ai pas compris, mais il adore la musique. Il va vous jouer du djembé en chantant et vous allez devoir reconnaître les morceaux, d'accord? D'accord. Ok, allez, attention, bebe, c'est parti. Ils sont modernes, hein. Y'a pas moyen, Jaja. Y'a pas fini encore. Merci. C'est Aya Nakamura, Jaja. Oh ouais, c'est ça, je kiffe trop aussi, ouais. Ouais, nous aussi on kiffe trop. Bon, Bebe, vous voulez jouer à un autre titre? Bebe. Il dit oui. Ah, c'est parti. Ah, c'est long pour dire oui quand même, en Bebe. Oh, Weshden. Anissa Weshden. Ah ouais, c'est vrai, je reconnais. Ah ouais, c'est trop ma meuf, ça. Ah ouais, tu peux te la pécho si tu veux. On te la laisse. Allez, bebe, encore un titre, ouais. Putain, je la connais. Faire le tour de la Thaïlande. C'est là qu'ils font ça. C'est là qu'ils font. La qui fonce. Ah ouais, c'est comment il s'appelle déjà? Kais. Naps. Naps, c'est pas loin. Hey, Emiliano, il n'y arrive pas, lui? Ah si, j'avais trouvé. Ah ouais, bah si, il faut le dire. Hein. T'inquiète pas, il faut être dans le move. Hein. Et moi, je suis dans le move. Hein. Moi, je suis dans le move de la forêt, tout ça. Ouais, allez, bebe, encore un titre. Ça me revient pas. Vous l'avez pas? Une idée, Emiliano? Ah non, il n'y a personne qui l'a. Oh, attends, Emiliano, la tête. Non, c'est pas trop. Ça, mais en fait, le début, j'ai reconnu et pas la fin. Oh là là. Et pourtant, ça se passe à Paris. Vous savez, dans la France, là, où vous habitez. C'est PNL. Avec ODD. Bah si, bah tout de même. Allez, un dernier, bebe, un dernier. Soir, ça sera Chambédi. Oh, merci. Ouais, je pense que ça sera mieux que la soirée livre de dimanche. Surtout quand le compteur, il sait pas lire. Pourtant, on l'aime bien, Linky, mais il est quand même pas très agréable. Hein. Ah. Et bonne soirée, les amis. Merci. Bon, et ben, un indice de plus, c'est quoi l'indice? Livre. Je t'écris dans mon livre. En latin. On l'attend. Mais oui, c'est ça. Jean-Jacques Goldman dans Notre cœur. Il a dû. De quoi? Il a eu du mal à me revenir le cinquième. Ah bah oui, j'avoue que le Doria, il était loin. Mais bon, vous avez eu trouvé 4 titres sur 5, c'était pas mal quand même. Ouais. Très bien. J'étais en train de. Ah, t'es en train de noter les indices. Voilà, c'est ça. Je peux pas être partout, désolé. Donc on a 2 indices. Ça commence plutôt bien. Après, il va peut-être en falloir un troisième pour résoudre. Pardon, je l'ai en tête maintenant, c'est mort. C'est ça. Mais juste avant, ça va être le moment un peu calme. Ouais. Je nous vois encore avec le clip. Parce qu'on est un peu fatigué. Non, ah bah écoute, toute cette énergie nous pompe notre énergie. Exactement. Toute cette énergie nous pompe notre énergie, bien sûr. C'est profond. C'est profond. Oh, mon Dieu, en parlant de fatigué, ma petite Amel, qu'est-ce qu'on fait? Putain, sans le vouloir. Bah si, en le vouloir. Non, je te jure, j'ai même pas regardé le titre. Mais moi, j'ai regardé. Mais lui, il l'a vu. Et ben, on va écouter Nola. Ah, Nola fatigué. Avec fatigué, oui. On la connaît. Et après, on vous racontera des histoires. Par contre, elles seront-elles vraies ou fausses? Ça, c'est à nous de le deviner. Ah, exactement. Toi, je sais ce que tu vas dire. Le principe de. Question pas. Raconte-moi une histoire. Question pour un concours, c'était avant. Ah oui, c'est vrai. C'était il y a une heure. Ah bah oui. Passe le fun autour de toi. Actu solide sur Indestar. Jusqu'à la fin. Passez le rosé. Le toit de ma Clio. Vraiment qu'on prenne les paroles la prochaine fois. Ouais. Que tombe poussière et la langue en feutrine. Lui il a juste la fin des phrases. Arriveré au camping, emplacement 69 comme les autres années. Olaf, mon voisin hollandais, a déjà débarqué. Tony des blagues, tout le monde se marre. À la fin du repas, moi je sors ma guitare. Car c'est l'été, saucisse merguez à bouger. C'est l'été, fais passer le rosé. C'est l'été, chouchou beignet sorbet. C'est l'été, prends ta crème et bien bronzée. Et n'oublie pas la crème solaire en des 50, c'est important pour la santé. Hein. Hey, je suis du Sénac, peu cher. Et prends la 50. On a pris la famille. C'est de la Yolo Musique, vous êtes sur Indie Sorcier Actu Solide. C'est Riku, notre chanson un petit peu favorite. Emblématique. Emblématique, exactement. Ah, je suis désolée. De quoi? Ah non, je crois que ça allait arriver. Ah, non, moi aussi, j'allais le dérer en fait. Tu veux aller jusqu'au deuxième refrain? Bah, bah oui, ouais. Quand même. Ok, je te fais plaisir. Nous, on donne de la bonne humeur. En plus, Emiliano, vous voulez aller dormir? On va le réveiller. Nous, oui, on va réveiller avec un titre qui s'appelle C'est l'été. C'est l'été, saucisse merguez à bouler. C'est l'été, fais passer le rosé. C'est l'été, chouchou beignet sorbet. C'est l'été, prends ta crème et bien bronzé. Bon, on enlève, sinon on va jamais l'arrêter. C'est vrai, c'est vrai. C'est sûr, s'il y a des personnes qui rentrent, quand on est parti avec ça. Des personnes qui rentrent dans le studio et qui entendent ça, ils sont là en mode, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et là, regarde, d'un coup, tu passes de ça à ça. À ça. Ouais. Et ça, c'est le bed. Mesdames, messieurs. Bien. Ce soir, nous allons vous raconter des histoires. Mais à vous. Mais ces histoires sont-elles vraies ou sont-elles fausses? Est-ce qu'elles existent? Non, il faut décider qui parle. Elles n'existent. Moi, tu me lances, je m'arrête plus. Ah, n'existe ou n'existe pas. On l'avait nommé comme ça un jour. Existe ou n'existe. Attendez. Ah non, c'était un autre jeu. Juste avant, on n'est pas oublié. On vous fait gagner des places. Là? Non. Ah non, pas là. Non, on vous fait gagner des places de Segway. De Segway. Segway. On va pas arriver à le dire. Segway. On vous les fera gagner dans la semaine. Restez bien connectés. Ah, bien sûr, à vous de répondre sur la question qu'il y a sur Facebook. Oui. Quelle est la question, ma chère? Quel est le nom autrement que Segway? Ok, pour désigner ce qu'on appelle un Segway, il y a un autre nom qui existe, un nom plus alors, français. Alors, la question, c'est quel est l'autre nom du Segway? Okay. C'est ça qu'on a dit. De différentes manières. Eh bien, vous avez juste à le marquer, sachant qu'il y a déjà des gens qui ont répondu en commentaire. Et si vous êtes tiré au sort, eh bien, on vous rappellera peut-être. Il faut être très attentif au MP qu'on peut vous donner. Et bien sûr, ce sera sur Amboise. Ah oui, c'est pour visiter la ville d'Amboise. Voilà, ville royale. Donc, même si vous habitez dans le nord, ou dans le sud, ou à l'est, ou à l'ouest, eh bien, vous allez pouvoir venir faire un petit tour et visiter les châteaux de la Loire. Et quand vous irez visiter le château d'Amboise, bah, vous n'irez pas à pied. Ah, vous n'irez pas tel un pauvre paysan qui doit traîner ses savates pour visiter une ville. Non, là, vous aurez mieux, mes amis. Vous aurez un gyropode, vous aurez un segway pour visiter. T'as pas l'impression d'avoir donné un peu le... Pas du tout, j'ai dit un gyropode et c'est pas du tout pareil. Ça c'est pas du tout à ce qu'on croit. Est-ce voilà. Que je peux commencer mon histoire? Allons-y, parce que moi c'est une histoire un peu royale aussi. Ah. Tu vois, je suis dans le thème. Et ce soir, est-ce que Amélie osera vous raconter l'histoire des dents du Roi Soleil? Alors oui, tu vas nous la raconter. Alias Louis XIV. Ou Louis petit 1V. Non, ça fait X1V. Ah, X1V, oui. Mais sinon, ça fait 4. Il a dit 4. X1V. Ah, c'est Henri. Louis XIV. On va appeler Mademoiselle. Depuis qu'il est jeune. Depuis qu'il est jeune, a une dentition pire qu'Antoine. Ouais, c'est normal, à l'époque, c'était courant. Mon Dieu, c'est que c'est horrible. Très jeune, il a eu des problèmes de dents. À cause de ça. On parle d'Antoine ou de Louis de Louis XIV, je pense. À cause de ça. Ses dents, il avait tellement mal en fait qu'il arrivait pas à mâcher. Donc en fait, il avalait direct. Ah oui. Là, la digestion, quoi. Tu dois faire caca des morceaux de je sais pas quoi. Ça me rappelle une réplique dans Kaamelott où le mec a appris à digérer à 35 ans. Tu sais, il y a un truc comme ça. Je regarde pas Kaamelott. Et du coup, après des douleurs insupportables parce que Dieu sait que ça fait mal une dent. Oui. 10 ans après, il décide d'aller voir son dentiste. Le dentiste, il y avait des dentistes. Le dentiste royal. Ouais, c'était un mec qui a arraché, il mettait la dent avec un fil à une porte et pouf, il claquait la porte. Hein. Et à fur et à mesure, les dents noircissaient parce qu'elles étaient pleines de carrés. Mmh. Il les enlève. Après, et en fait, le roi soleil, du coup, à ses 47 ans, s'est retrouvé avec une dent en haut. Une dent. Donc en fait, il continue à avaler, quoi. Clairement, il pouvait plus mâcher. Hey. compliqué. Du coup, forcément, le roi a essayé de trouver des remèdes pour se soigner. Pour y remédier. Donc le thym, le clou de girofle, sauf qu'en fait, à force d'utiliser tous ces moyens naturels, ouais. Ça commençait à lui brûler. Ça lui poussait à l'intérieur. Donc en fait, il en vomissait. Il avait beaucoup d'abcès, donc imagine l'odeur de la bouche. Parce qu'un abcès, ça pue de la gueule. Ouais, et il n'y avait pas de dentifrice. Non. Et du coup, ça lui déformait souvent le visage. Et c'est pour ça que sur certaines photos, on ne voit jamais, genre, il pince toujours les lèvres pour ne pas montrer ses dents. Ah. Si c'est vrai, c'est historique, hein, ton anecdote, c'est bien. Hein. Et le roi soleil, oui. Du coup, il n'est pas du tout de bonne humeur à chaque fois. Hein. C'est pas vraiment un rayon de soleil, quoi. C'est pas vraiment un rayon de soleil. Moi, je dis vrai. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Mais elle serait capable d'avoir inventé ça, quoi. C'est ça, en fait. Si elle l'a inventé, ça serait du coup faux. Moi, je dis faux, moi. Et ben, moi, je dis vrai. C'est vrai. Tu vois, c'était une blague pour dire, non. Vas-y, fais faux. Mais c'est vrai que c'était plausible. Bah oui. Et du coup, c'est vrai. Donc, si demain, la machine à café, vous pourrez raconter cette histoire. Ouais, tu savais que le roi soleil, il avait plus qu'une dent en haut et à chaque fois, il passait la bouche et tout. C'est cool. Super. On a appris un méga truc. Un méga truc. Incroyable. Bah, qui ne parle pas. Mais en fait, je l'ai vu sur TikTok. Genre, il y a une meuf, elle a mis connaissez-vous l'histoire des dents de Louis XIV? Ouais. Tu vois quoi, TikTok, ça nous Et en fait, j'ai screené et j'ai fait vas-y, faut que je me. Bah, voir si c'est vrai. Oui. Et en fait, c'était vrai. Et du coup, bah, j'ai refait. Tu nous as expliqué cette histoire. Je trouvais ça sympa, toi. Bah, je trouve ça très instructif. Toi ou moi? Moi. Non, moi. Alors, je sais pas si vous faites ça. Mais moi, quand je suis sur le bon coin, j'ai tendance un petit peu à me perdre et à regarder les annonces que je trouve un peu what the fuck. Ça peut être une annonce où il y a trois fautes d'orthographe à deux lettres ou des objets un petit peu bizarres qui sont vendus. Mais en vrai, là, on est vraiment sur le top du objet bizarre. On est dans le gratin puisque un mec vend un sanglier. Vous dites, il est vivant, il est mort, il est empaillé. C'est quoi le rapport avec le gratin? Non, mais que, genre, c'est le gratin des annonces. Ah, okay. Il n'y a pas de gratin de pommes de terre dans l'histoire. J'étais en mode gratin dauphine, moi. Moi aussi. Non, il vend un sanglier. Alors, est-ce qu'il est empaillé? Est-ce qu'il n'est pas empaillé? Oui et non, parce que le principe de l'empaillé, c'est que tu mets de la paille à l'intérieur. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Là, il l'a joué un peu plus bricoleur. Il a transformé le sanglier en cave à vin. D'accord? C'est-à-dire que tu peux y rentrer, genre, t'as un grand cru, tu peux y mettre tes grands crus à l'intérieur. Ok. Ah, dans mon sanglier, il y a un cru de 89. Ok. C'est original et il le vend 900 balles. Donc c'est une affaire. Et en plus, il précise qu'il le lave, le sanglier, deux fois par semaine et que du coup, il est très doux, le sanglier. Fait chier de laver un sanglier deux fois par semaine. Bah, surtout un sanglier mort. Hein. Et clairement, chez moi, j'ai un petit frigo de cave à vin, il est à l'abandon depuis 3 ans. Et tu ne le laves pas? Bah non, parce que je m'en sers pas. Mais là, t'as un vulgaire frigo, tu vois. Ouais, c'est juste un frigo. Lui, il a quand même sanglier. Écoute, je vais tuer un cerf et tu sais, je vais le mettre assis comme ça, genre assis comme un humain pour qu'il puisse tenir le frigo dans ses mains. C'est ça. Est-ce que mon histoire est vraie ou fausse? Anaïs? Moi, je dis vrai parce qu'il me semble que j'ai vu cette histoire il y a deux ou trois ans. Ouais, non, mais moi aussi, je l'ai vu sur internet, ça a tourné, donc oui, je dirais vrai. Aïe, aïe, aïe. Justement, j'ai pris cette histoire en me disant. Mais ça fait un moment parce que ça je voulais le faire pendant une émission où on racontait nos histoires. Oui. Et je voulais faire ce. Et justement, je me suis dit, si je mets l'actu, ils vont tricard. Et là, j'ai mis une actu plus. Et on t'a tricard. Et on m'a tricard quand même. Bon, c'est pas grave, effectivement, c'était une bonne. Bah, tricard, ça veut dire je vais avoir quoi. On n'a pas fouillé. On n'a pas fouillé. Vous n'avez pas fouillé, c'est vrai. Mais c'est à toi de balancer ton histoire. À moi. T'es fait niquer. Dans un zoo, c'est pas grave, je suis galante. Dans un zoo en Californie, aux États-Unis, donc. Lol. Lors d'un spectacle avec des orques, un homme bourré est entré dans le bassin et a voulu chevaucher l'orque. Ah, sauvez-vous. Sauf que bah, il est tombé dans le bassin et l'orque. L'a bouffé. Et voilà. Tu vois ? Non, ben non, j'ai même pas fini ma phrase. Mais il faut savoir que les orques ont déjà noyé des gens et même des dresseurs et des dresseuses. Oui, mais pas Willy. Non, Willy, il est mignon. Sauvez Willy. Mais sauf qu'au lieu de le noyer, il a joué avec comme un dauphin joue avec son ballon, avec le petit bout du bec. Ah oui, ça m'étonne pas. Après ça, il lui a foncé dedans jusqu'à toucher le fond du bassin. Donc autant te dire que l'homme était légèrement au fond du bassin. Puis en plus avec la peur, t'avales grave la tasse. Bah déjà de un, il a eu mal. Et ça va, c'est de l'eau douce, c'est pas de l'eau de mer hein, parce que l'eau de mer ça fait mal. Hein. Ah bah l'eau de mer, tu le sens pas. Moi, je vomis dans l'eau de mer. Ah ouais. Et donc suite à ça, l'orque est retourné à la surface, alors que le mec était légèrement mort, écrabouillé au fond du bassin. Il est remonté à la surface et puis il a continué son petit spectacle et tout. Sauf que les dresseurs lui ont dit de venir. Tu sais, t'as une petite plateforme. Ouais. Pour par exemple pour qu'il le voie mieux ou un truc comme ça. Ouais. Ils lui ont dit d'aller là. Les autorités sont. C'est long. Hein. Ouais, je sais. Les autorités sont arrivées, ils n'ont pas donné suite au dossier parce que l'homme était bourré, en soi, il était libre de ses... Il était responsable de ce truc. De ses actes. Et voilà. Oh putain, okay. C'était long. C'est grave. Mais d'habitude, on me dit, je fais deux phrases. Et ensuite, il a été en prison. Il est resté 2 mois. Après, il y a eu un jugement. Laura, après, parce qu'il est mort. Mais il est mort, il a été écrabouillé au fond du bassin. C'est vrai. Avec l'or qui lui a foncé. J'ai pas tout suivi. Moi, je dirais vrai. Moi, je dis. Parce qu'il me semble l'avoir vu. Vrai. Non, je l'ai inventé. C'est vrai. Tu l'as vu où? Tu l'as inventé, moi? Bah, je sais pas, j'ai vu une info où il y avait plusieurs personnes qui étaient mortes en ce moment à cause des orques. Bah, ils faisaient une regroupation. Une regroupation. Ouais. Un regroupement. Un regroupement, c'est mieux. Un regroupation. Non, je l'ai inventé celle-là. Un regroupement où en fait il disait que justement, je sais plus où, il y a un orque, les orques faisaient des dommages, 14 personnes tuées. Bah, je l'ai dit que ça arrivait à. Ah oui, oui, ça arrive régulièrement, ça oui. Les dresseurs, il y en a une par exemple, elle avait une queue de cheval, elle était, je sais pas, elle devait être proche du bassin quoi. Mm-hmm. Et il lui a pris la queue de cheval, il l'a emmenée dans l'eau. Ah oui, parce que c'est un jouet quoi. En même temps, c'est ça de vouloir aussi. Tu vois, avoir des queues de cheval. Non, mais d'un côté, genre, les orques c'est pas fait pour être dans un petit bassin. Non, on est d'accord. Donc du coup forcément il faut pas s'étonner. Parce que normalement les orques ça tue pas les humains. Bah non, quand c'est dans leur milieu naturel. C'est leur habitat naturel. Ils en ont marre, ils font la foire toute la journée. Toi tu veux qu'on te mette devant. N'encouragez pas ça non plus s'il vous plaît. N'allez pas voir des spectacles d'orques. Alors certes c'est joli. Ah, je vais dans un zoo dans 2 semaines. Voilà, d'accord. Non, j'avoue que même moi j'ai fait le zoo de la Palmyre l'année dernière. Ouais, non, mais genre parce que. Et après on s'en veut, tu vois, on est là en mode mais pauvre bête en fait. C'est tellement le pire, beau, je crois que c'est effectivement les parcs aquatiques où ils élèvent, enfin ils font des spectacles de dauphins et tout mais ça. Mais même les trucs des lions, tu vois, ils ont pas de place, ils ont pas de quoi courir et ils sont en plein soleil, ils ont c'est chaud. Surtout à la Palmyre, t'as encore, pas ils sont trop. En plein soleil, bon, les lions ils sont habitués, tu vois. Mais t'as pas trop d'ombre, tu vois, à la Palmyre et tu te dis putain, mais c'est pas fait pour être là-bas quoi. À la Palmyre, y'a pas de palmier. Non, y'a pas de palmier. Ah, y'a pas de palmier à la Palmyre, c'est nul. Il n'y a pas de cocotier. Il n'y a pas de cocotier. Et bah nous on repart après un peu dans cet esprit là, un peu on dans l'esprit. On repart toujours, nous on est toujours au taquet. Bah oui. Qu'est-ce qu'on écoute? Oh, j'aime bien. I feel my way through the darkness with my mouth in love. Reprise de Avicii avec Never Gonna Wake Your Pirates, c'est un bootleg. Il paraît qu'écouter Actu Solide renforce vos défenses naturelles. C'est pas vrai, c'est une grosse arnaque, mais c'est non. Vendre. Yes. Sans nos amis pour la vie. Des stars. Produits laitiers. T'es un peu parti loin là, Théo. Là, il est encore j'adore au taquet. J'adore cette hymne des produits laitiers. Je sais pas pourquoi ça. Ça te met en joie. Les produits laitiers. J'imagine trop t'élever le matin en mode les produits laitiers. Ah ouais, laitiers. Grave. Sauf que je ne peux pas consommer de produits laitiers parce que sinon je vomis. C'est le problème. J'adore la musique, mais si après en fromage. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler j'ai de ma vie. Je pas quantifié parce que alors les yaourts, c'est ma vie. Ah, yaourt, je peux. Ah, bon, ça va. C'est vrai, je peux. Mais c'est le lait, par quoi. Contre, le lait, non, bah. Oh, c'est tellement bon. Ah, je peux pas. Je avec peux les œufs aussi. Ah, mais bah, je peux pas ni l'un ni l'autre. Ah, c'est bien, c'est arrête de me frustrer comme ça. Me frustre. Et oui, il est 22h55, mais nous sommes pas encore partis. Il nous reste encore une dernière partie. Ouais, et en Amérique du Sud, de l'autre côté de la planète, hein, puisque vous allez dans la jungle et ce soir, il y a un petit problème dans la jungle. Quel est-il? Dans la jungle. Il y a une bête, une créature qui mange le peuple. Oh là là. Et du coup, ils sont passés de 630 à 30 personnes. Oh là là, c'est pas beaucoup. Et bah disons que rip ceux qui sont morts. Oh là là, c'est pas beaucoup. Donc il va falloir identifier la créature. On a deux indices. Exactement, c'est ça. Nous avons Je suis la Chaki, nous avons Livre. Ok, un livre. Oui, livre, pas libre. Un livre. Un livre. Un livre. Libre. Livre. Livre. Livre. Allez, je compte sur vous. Mes chers Actus Solides, on repart pour résoudre cette enquête. Enlève ton pull, Anaïs, vu qu'on va en Amazonie, il fait très chaud en Amazonie. Et humide. J'en ai vraiment marre de perdre mon temps à écouter leur reprise de musique. On va aller voir le chef là des Banzomat, c'est comme ça, Banzomat. Oui, c'est le grand ciel, le parquet. Il habite dans la hutte en or sur le haut de la colline. Là-haut sur la colline. Comment tu sais ça, toi? Mais t'es con ou quoi? C'est marqué sur la pancarte. Pour rencontrer le grand sire, le parquet, suivez le chemin qui vous mènera en haut de la colline jusqu'à la hutte en or. Ah bah oui, je l'invente pas, c'est marqué. Hein. J'en peux plus. Et ils auraient pu la mettre moins loin, là, la hutte en or. Hein. Zut! La hutte, pardon. La hutte. Bon, allez. Vas-y, frappe. Entrez et prenez les pantoufles pour cirer le parquet. Je rigole. Il n'a pas encore été livré. Ah. J'ai fait la commande en 96 sur Alta Vista, mais UPS... Ils ont juste un peu de retard. Ils mettent du temps à livrer. Ils ont ça me rappelle mon Deliveroo reçu la semaine dernière. Il était périmé de 5 ans. Ah oui. Enfin bref, j'en aurais tellement à vous raconter. Même si des fois, ma mémoire me joue des tours. Heureusement que j'ai tout noté. Vous savez, ici, on vit bien. Ah, il n'y a pas encore 6 mois pour fêter la naissance de Zoupi, notre première naissance depuis 6 ans. C'est un métis avec le peuple des Waipihi qui vit à 580 km d'ici. Pas très loin, quoi, c'est vos voisins. Exactement. Quelle belle fête on a fait! On a chanté et on a dansé jusqu'au bout de la nuit. Et surtout, on a bu beaucoup trop de kaksiri. C'est leur boisson fermentée artisanale. Qu'est-ce que c'est bon, mais alors j'étais complètement jeté après. Hein. Il n'y avait pas que moi. Mais est-ce que ça s'est vraiment passé d'après vous? Moi, je dirais oui. Ouais. Alors, je regarde sur le livre. Ah oui, malheureusement, ça s'est vraiment passé. Apparemment, j'ai fini la soirée par faire l'hélicoptère avec mon sexe. Ça arrive. Paralysant toute cette histoire. Bon, mais non, mais c'est vrai qu'on s'ennuie pas ici. Il y a quelques années, on reçoit un parchemin d'une boîte de production aux États-Unis en nous demandant si on pouvait prêter notre village pour faire le tournage du clip Roar de la chanteuse Katy Perry. Alors bien sûr, nous on était super contents d'accueillir une grande production dans la jungle. Et puis j'avais hâte de pécho Katy Perry. Ah, très entreprenante cette Katy. Bah, enfin bref, c'était une chouette journée de tournage. Mais est-ce que ça s'est réellement passé d'après vous? Moi je dirais faux. Non. Bah non, apparemment ça n'était qu'un rêve. Le décor du clip de Roar de Katy Perry a entièrement été réalisé en images de synthèse. Oh, c'est dommage. Allez, une dernière petite anecdote, après je vous embête plus avec mes histoires. On va remonter à mon enfance. Une fois, je me rappelle, au stage d'été, on jouait tous les instruments, et ce jour-là, on devait répéter, mais on avait perdu nos partitions. Ceci dit, on s'est pas dégonflé, on a joué. Alors certes, on a joué n'importe comment, mais on a joué, et pendant 1 heure. Alors, évidemment, le chef, lui, il comprenait rien du tout, mais nous, on s'est bien amusé. Hein. Est-ce que ma mémoire me fait défaut, par contre, à votre avis? Moi, je dis que c'est vrai. Vrai. Faux. Ouais, c'est faux. Vrai ou c'est faux? Faux. Ah oui, c'est faux. Effectivement, c'est dans American Pie, cette histoire. Vous avez même la série. Ah oui, bah, le film, oui. Je me rends compte que je perds de plus en plus la tête, ou alors que j'écoute trop votre émission avec le raconte-moi une histoire. Hein. C'est possible. Ouais. Ce qui veut dire que quand la prod de « Je suis une légende !» avec Will Smith m'a contacté, c'était aussi dans ma tête. Oh là là, j'en ai bien peur. Vous savez, je crois que la fin me guette. Bon, de toute façon, nous allons tous mourir si on ne trouve pas la créature qui nous capture et nous tue tous. Je crois savoir ce que c'est la créature. Ah, c'est vrai, vous avez trouvé des indices. Oui. Alors, allez-y. Alors, bon. Que avez-vous comme indice hein? Alors, on a « Je suis la Shaki ». Ok. Livre. Oui. Et « Je suis une légende ». Et je pense que votre créature est un zombie. Non, attendez. C'est pas vraiment un zombie. Attendez, peut-être que la réponse se trouve dans le livre des légendes que mon grand-père m'a transmis quand il s'en est allé. Il est pas mort, hein, vous inquiétez pas, il s'en est allé débuter sa carrière d'artiste, mais bon, il est jamais revenu. Voici le livre, je vous laisse étudier. Peut-être que vous trouverez la réponse à vos questions à l'intérieur. Pendant ce temps-là, je vais refaire mes lacets, moi. Mes lacets. Pensez bien à vos indices, hein. Ah là là. Lacet droite est déjà fait. Passons au lacet gauche. D'accord. C'est toi qui me veux pour lire tout ça, quoi. Non, non. Mais peut-être que vous pouvez écourter un petit peu. On a... Je rappelle qu'ils ont un livre devant eux. Hein, et ils doivent trouver peut-être... C'est le livre des légendes. Moi, je propose que c'est le Shulakaki. Pardon? Le Shulakaki. Shulakaki. Ah, le Shulakaki! Ah, c'est. Kaki, c'était le nom. C'est le nom de quelqu'un de notre village. Tout à l'heure, quand vous avez été le voir, vous avez peut-être aidé Kaki à mettre des séquoias géants ou un truc du genre, il me semble. Hein. Oui. Ah, oui, et ben le Shulakaki, effectivement, c'est une créature qui prend l'apparence d'une personne. Vous l'avez, hein, la légende, c'est quoi? C'est ça. Cette créature prend l'apparence d'une personne connue pour tromper ses victimes et les faire se perdre dans la végétation dense. Le Shuyangangi porte un grand chapeau de paille qui dissimule un visage ridé. Au nez proéminent, Ça veut dire qu'il a un grand nez, hein, proéminent. Oreilles pointues et yeux rouges. Il mesure à peine 1 mètre de haut et porte un vêtement souillé. Il est voûté. Oui. Et a les pieds de Gingua. L'un étant celui d'un être humain, tandis que l'autre est celui d'un animal tel que cerf, pécari, tortue, coq, etc. D'accord. Alors ça voudrait dire que le Shulakaki. Shulashaki, attention, ça serait donc lui qui capture nos villageois en se faisant passer pour quelqu'un d'une personne connue et qui les emmène s'égarer dans la nature, dans la végétation dense. On pense que c'est ça. Oh là là, mais et qui coup, aurait il... pensé qu'une ancienne légende telle que le Shulashaki ferait surface en 2022? Shulakaki. Mais le... c'est son peuple, il sait qui c'est quand même. Mais sur le papier, il y a marqué Shulakaki. Ouais, mais ça se prononce Haki. Haki. Ah bon, ça se prononce comme on veut alors. Shulakaki. Je vous prouve. C'est le Shulakaki, effectivement. Ah. Qui a du kakakaki. Kolio cucu. En tous les cas, merci beaucoup parce que peut-être que vous avez ressuscité notre peuple. Alors évidemment, pour faire en sorte que nous nous repeuplons. En dehors de l'arrêter, ce Shulashaki, le coquille. D'accord, on peut vous aider. Je vous sens volontaire. Le problème, c'est que je suis pas sûre d'être fertile, du coup. Moi, je peux essayer. Vous pouvez essayer, allez. Vous le ferez très bien, j'en suis certain. Ça fera des petits bêtises. Merci et bravo. Et moi, je dis victoire. Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Bravo les filles. Moi, je vous propose de la mettre à la fin en partant. C'est vrai. Je vous ai cassé tout. Mais moi, je vous remercie en tous les cas d'avoir résolu cette nouvelle enquête. Oh, tu l'avais mis là. Ah. Le jungle. Allez, on a dit tout à l'heure. Oui, c'est vrai qu'on a dit tout à l'heure. Nouvelle enquête de réussite pour les Actus Solides. Bravo. Vous avez été dans la jungle, vous n'avez même pas eu peur des araignées géantes. Non, on n'en a même pas croisé. Félicite. Ni les serpents et tout. C'est vrai, mais parce que vous étiez protégés par le peuple. J'ai même pas vu les crocodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. En même temps, c'était les bords du Nil, là vous êtes à l'opposé, vous étiez en Amérique du Sud. Ah, c'est en Égypte, les Nils. Oui, c'est pas que en Égypte. Hein, ouais, parce que mais il passe là. C'est un très très long fleuve, oui, le Nil. Oui, il passe là. Il y a d'ailleurs une très belle poésie qui dit, enfin bon, Nil, on l'a compris. Ne partez pas trop loin. Ne partez pas fâchés. Parce que demain, vous avez PK Avenger. Oui. Sur Indestar. Exactement. Émission de pop culture et qui dit pop culture dit musique. Et dans la musique, on aime le live sur Indestar. Nous aurons le groupe Fayet. Qui viendra ici, dans les studios d'Indestar, pour répondre aux toutes les questions qu'on peut se poser. D'ailleurs, si vous avez des questions, il y a un numéro de téléphone, Anaïs. 09 70 407 306. Voilà, donc vous pourrez appeler demain pour intervenir en direct live. Et je pense qu'ils nous feront un petit titre aussi avec tout ce qu'il faut. Bien sympatoche, exactement. Vendredi, émission spéciale Actus Solides. Vous nous avez manqué tellement qu'on revient vendredi pour une spéciale. La dernière spéciale et première spéciale de l'année et avec un enjeu de taille, Amel. Eh oui, on va élire qui sera. Le groupe qui sera le plus concon. Ah oui. On va élire le concon de l'année. C'est à découvrir 21h vendredi en direct dans la spéciale du vendredi. Et vous aurez Antoine Nicolas avec nous. Oh, c'est mignon, Antoine et sera là. Plein de gens. On va kidnapper mais des venez, gens. Mais venez, si vous êtes dans la région amboisienne, là, venez. Envoyez-nous un message même sur Facebook Indestar. On vous répondra avec plaisir. Et d'ailleurs, Facebook Indestar, n'oubliez pas de jouer si vous voulez gagner des places pour aller faire du Segway aussi, c'est toute la semaine. Ou du Subway, comme vous voulez. Du Subway aussi, vous reparterez avec une place de Segway, une place de Subway. On fait un package. Hein. Et puis, si vous avez loupé le début de cette émission et que vous voulez la réécouter, même si vous n'avez pas loupé le début, Les podcasts! Les podcasts Indestar sont disponibles sur toutes les plateformes. Exactement. Et on n'a même pas envie de s'arrêter, mais on va s'arrêter quand même. Non, on va chanter d'abord. On va chanter d'abord. On fait une chanson et après, on vous laissera avec Jasmine Thompson. Oh là, Adore. Comment elle s'appelle? Jasmine Thompson. Thompson, comme les télés, tu vois. Ok, merci. Adore. Merci, j'en ai plus. Adore. Adore. Ah, c'est vrai que t'as Tu nous as pas expliqué. Ah, si, c'est l'orage qui t'a bousillé. Bah, la télé. En fait, c'est que d'un coup. En si fait, elle a dû en des milieux. Non, mais en fait, on avait de l'orage très très loin. Oui. Donc on s'est dit, on laisse la télé allumée, on s'en fout. Genre, ça nous a jamais niqué une télé. Ouais. Et en fait, d'un coup, ça fait BAM! Mais genre, juste à côté de la maison, elle a tremblé. Ouais. Gros coup de. Tonnerre. Gros coup de tonnerre. Plus de jus dans toute la maison. Donc mon copain il me fait je vais aller dehors, je fais non non va pas dehors t'es fou. Bah non parce que ça et il est trop cuisson, en plus il pleuvait à mort et tout, l'eau elle s'infiltrait dans la maison carrément. L'eau s'infiltrait dans la maison. Oui parce qu'en fait ça tapait contre, parce qu'en fait nous on a des fenêtres en PVC et tout ça, donc en fait ça travaille vachement, c'est de la merde. Ah et ça passe. En fait, ouais et en fait notre porte elle remontait, donc en fait ça passait dans le côté des chiens. D'accord. C'est la merde. Donc en fait il est descendu en bas, il a réallumé la télé et la télé la première fois que je l'ai eue elle avait déjà fait un bug comme ça le lendemain. Ouais. Et là en fait là elle s'allume plus depuis 48 heures. Donc tu regardes une télé à écran noir. Mais en fait j'ai la LED rouge. Ah oui, comme si elle était en veille en fait. Voilà, mais elle veut plus se rallumer. Alors est-ce qu'elle est bloquée en veille? C'est peut-être pas grand chose en vrai. Oui bah autant la changer, on a des assurances non. pour ça. Ah oui, t'as des assurances. Oui parce qu'elle est toute neuve ta télé. Ah oui, elle a peine un an. Donc là tu vas pas faire comme ton truc là, ton overboard. Tu vas changer ta télé. Bah ouais quand même, là c'est 600 balles, on vient de l'acheter, en plus elle est énorme, fait chier quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut lancer la musique? On s'en fout un peu. Non, c'était bien la vie d'Amélie. Non, on s'en fout. Dans la vie d'Amel. Allez. Oui, bon. La jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. On vous fait des bisous les amis, on vous aime. On vous laisse avec notre belle voix. Ouais. Le lion est mort ce soir. Des bisous, bisous. Passez une agréable soirée. Allez. Bienvenue. À cause de nous, vous êtes sourds. Mais grâce à nous, vous n'entendrez pas votre patron demain. Ça te passe partout là. Dans les villages, le lion est mort ce soir. Ce soir. Plus de rage, plus de carnage, le lion est mort ce soir. Oui. Oh oui, boy, oh oui, boy, oh oui, boy, oh oui, boy. Ah oui, boy, ah oui, boy. Qu'est-ce qu'on est bon. Ah oui, boy, ah oui, boy. Ça me donnerait presque envie de faire un autre karaoké. Elle est au taquet, elle. Ouais, c'est vrai que t'es. Table, le redoutable, le lion est mort ce soir. Viens, ma belle, viens, ma gazelle, le lion est mort ce soir. Personne va écouter Jason Thompson après. Oui, oui. Elle est trop taquée, elle. Hein. Il est l'heure de vous laisser un peu. À ta gueule ! Il est l'heure de vous laisser un peu tranquille. On vous souhaite une bonne soirée et on vous attend vendredi en forme. N'oubliez pas demain, PK Avenger et vendredi, la spéciale Actu Solite. On vous attend en pleine forme. Des bisous. Et bonne... Vos émissions préférées où vous le voulez, quand vous le voulez, avec les podcasts Indestar. Dispo sur indestar.fr et toutes les plateformes internet. Semaine à vous.